Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, 20h30, lundi 16 juin, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Red Arc du Sport. J'espère que vous allez bien ce soir, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. On est ensemble pendant une heure et demie, une émission qui sera un peu plus courte. Vous l'aurez compris, l'actualité sportive est un peu plus calme, donc évidemment on aura un petit peu moins de choses à dire. Ne serait-ce qu'il reste encore quand même pas mal de choses, on va en parler dans un instant avec le sommaire. Pour nous écouter, je le rappelle, c'est le 96.2 FM, bien sûr sur le site radio-arc-en-ciel.com. Vous pouvez nous écouter en direct partout dans le monde. Et puis nous, pour nous joindre, 02-38-434-800, le standard vous attend pour intervenir en direct sur l'actualité. On retrouvera Hugo avec nous d'ici 21h, et puis bien sûr on va débriefer tout ce qui s'est passé ce week-end, le lancement de la Coupe du Monde des clubs, voilà, avec la victoire du Paris Saint-Germain hier face à l'Atlético, on y rendra 4-0. Un match ce soir d'ailleurs, Chelsea qui affrontera les Los Angeles Football Club, ce sera à 21h. On suivra d'ailleurs ce match aux côtés d'Hugo pour le lancement de l'entrée en liste de Chelsea et de Los Angeles dans cette compétition, avec des Français retrouvés. On parlera des matchs d'hier et ceux d'aujourd'hui aussi qui se joueront cette nuit. Voilà ce qui va nous attendre côté foot, avec aussi toute l'actualité mercato. Bien sûr, ça bouge un petit peu partout, les joueurs, les entraîneurs. On va revenir sur tout ça, bien sûr, tout au long de la soirée. Voilà pour donc le foot, et puis on aura d'autres infos bien sûr, hein, comme d'habitude côté foot. On aura également ce soir l'actualité rugby avec la suite bien sûr des playoffs top 14. Voilà, ça avance, hein, ça avance tranquillement. C'est cette fin de saison haletante en top 14. Bien sûr, on va en parler également tout à l'heure, hein, bien sûr, de cette fin de saison. Les playoffs que vous retrouvez bien sûr comme chaque saison, avec pour le moment les demi-finales, hein, qui nous attendent vendredi et samedi. On en parlera, Toulouse, Bayonne, Bordeaux, Bec, Toulon, pour donc cette fin de saison de top 14. Voilà pour le rugby. On aura aussi l'actualité mécanique, puisqu'il y avait les 24 heures du Mans qui se déroulaient hier avec les victoires de Ferrari. Voilà, on va en parler aussi dans quelques minutes. Du tennis aussi, début de la saison sur gazon pour beaucoup de joueurs et de joueuses. Cette semaine, voilà, on parlera des tournois qui se dérouleront, notamment avec le Queens, avec Halle, voilà, les préparations de Wimbledon qui arrivera déjà dans deux semaines, hein, ça va arriver très vite. Là aussi, ce troisième tournoi du Grand Chelem de la saison. Voilà donc du tennis. On aura un mot de basket là aussi, avec la fin des playoffs partout en Betclic Elite. Pour l'instant, on en reparlera, mais c'est le Paris qui domine pour le moment dans cette finale. On aura aussi la fin de saison haletante en NBA, de partout, le suspense est entier dans cette finale de NBA, on va en reparler aussi. Et puis on parlera aussi de handball, la fin de la saison de Ligue des Champions. On a pas mal de choses quand même. Et puis un mot d'athlétisme, puisque on en parlera. Armand Duplantis a battu un nouveau record de saut à la perche hier, en passant une nouvelle barre à 6m28. Voilà ce qui nous attend ce soir. Donc beaucoup de choses encore, beaucoup d'actualités une nouvelle fois ce soir. On va revenir sur tout ça tout au long de cette soirée. Et puis Hugo, je vous le rappelle, qui nous rejoindra dans 20-25 minutes jusqu'à 21h, le temps de débriefer tout le reste donc de la... De l'actualité, hein. Bien sûr, il y a le flash comme d'habitude, résultat. Et puis les directs, on l'a dit tout à l'heure, avec Chelsea, Los Angeles, match de la Coupe du Monde des clubs. Première donc édition, on en revient donc juste après, on va démarrer tout ça. Puis des sons aussi comme d'habitude, c'est vous qui choisissez, hein. Donc n'hésitez pas à donc revenir sur tout ça tout au long de la soirée. Allez, c'est parti. On démarre l'émission tout de suite. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Allez, c'est parti pour l'émission. On démarre Tout de suite avec ce qui s'est passé, notamment du côté des sports mécaniques, c'était les 24 heures du Mans Auto qui s'est déroulé ce week-end avec une nouvelle victoire pour Ferrari. Ferrari qui remporte donc pour la troisième édition consécutive ces 24 heures du Mans, voilà, qui se sont déroulées dans d'excellentes conditions évidemment tout au long du week-end. Il a fait extrêmement beau et extrêmement chaud, donc pas trop de soucis sur la route. Donc Ferrari qui s'impose pour la troisième fois d'affiche, je le disais, c'est la victoire de la numéro 83. Deuxième place Porsche, la Porsche numéro 6, et puis Ferrari qui prend une nouvelle fois la troisième place avec la numéro 51. Voilà, donc troisième succès d'affilée avec un pilotage à 3, hein, comme c'est le cas à chaque fois. Donc la Porsche de numéro 6 ensuite, je le disais, et puis la Ferrari numéro 51 qui termine troisième. La première voiture française, c'est une Alpine 35e, numéro 35, 10e, donc pour cette 93e édition des 24 heures du Mans. Voilà, donc c'est donc Ferrari qui s'impose une nouvelle fois. On rappelle que le départ avait été donné par Roger Federer. Voilà, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant, de nombreuses stars sont passées par là. C'était le tour du Suisse de donner ce départ donc samedi à 16h. Voilà, et puis à noter, tiens, une très belle place pour Sébastien Bourdais aussi, qui a terminé lui 8e. Avec une Cadillac. L'ancien pilote Formule 1 qui donc a terminé donc 8e, et puis donc côté grand français, donc Peugeot malheureusement n'ont pas pu faire jouer les premiers rôles. Ça a été compliqué d'intégrer le top 10, donc 12e, et voilà, malheureusement ça n'a pas pu faire mieux. Puis je disais, Alpine, on l'a dit, qui a terminé 10e, la première voiture française, premier équipage français donc de ces 24 heures du Mans. Voilà pour l'actualité 24 heures du Mans. Et puis toujours, on va revenir bien sûr maintenant à la Formule 1, hein, après cette pause des 24 heures du Mans. Ce sera dans 15 jours avec une course qui avait lieu hier également, c'était le Canada, au programme, le Grand Prix du Canada. La victoire, c'est celle de George Russell, le Britannique, qui s'impose sur Mercedes. Deuxième place pour Verstappen, tout juste derrière, et puis troisième place pour l'Italien Andrea Antonelli, qui a pris la troisième place, qui est engagé avec Mercedes également cette année. Leclerc 5e, Hamilton 6e. Le classement après cette course, c'est Oscar Piastri qui reste leader. On rappelle qu'il avait gagné en Espagne il y a 15 jours. Oscar Piastri, il a pris la 4e place cette fois, donc ça lui donne pas mal de points encore, 198 points. Deuxième place pour Lando Norris, 176 points. Verstappen tient là toujours la route avec 155 points. Voilà, il est pas très loin, hein, il est pas encore revenu, hein, il reste beaucoup de évidemment le Grand Prix. On est au 10e sur 24, donc on n'a pas encore fait la moitié, rien n'est joué bien entendu. À noter que les Français, Sébastien Ocon 9e, Pierre Gasly 15e, et puis Isaac Hadjar sur Racing Bulls, lui a terminé 16e. Voilà, donc juste dans les derniers classés de ce Grand Prix donc qui avait lieu au Canada. L'Autriche, je le disais, c'est dans 15 jours, donc la reprise de cette saison. On va revenir en Europe pour pas mal de grands prix. On était au Canada. Maintenant, on va y rester un petit moment avec l'Autriche, avec la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Italie. Voilà, il y a beaucoup, voilà, beaucoup de grands prix tout au long de l'été qui se dérouleront donc en Europe. Voilà pour la Formule 1. En moto, eh bien, le dernier, on rappelle, le dernier Grand Prix avait été remporté par Marc Marquez. C'était lors du Grand Prix d'Aragon pour la victoire donc de l'Espagnol, qui d'ailleurs est en tête désormais devant Alex Marquez. Il est en tête, l'Espagnol. La suite de la saison se donnera rendez-vous en Italie dimanche pour un nouveau Grand Prix. Donc pour l'instant, Marquez, je le disais, qui a pris les devants, voilà, ça y est, on sentait depuis quelques semaines, et une victoire convaincante déjà, c'était donc en Espagne, sur le Grand Prix d'Espagne, et à nouveau, il a remis ça à domicile, cette fois sur le Grand Prix d'Aragon. Marquez donc, qui va très bien dans cette saison. de championnat du monde donc de MotoGP. Et puis enfin en rallye, ce sera maintenant fin juin la prochaine échéance avec le rallye de Grèce. On rappelle que Sébastien Ogier a remporté les deux derniers rallyes, le Portugal et la Sardaigne. Alors il est deuxième au classement général avec 15 points de retard seulement sur Elfyn Evans. Alors on rappelle que le Français ne fait pas l'intégralité de la saison, donc il est deuxième aujourd'hui, mais il pourra pas jouer le titre évidemment, ça sera trop compliqué. Malgré de très belles performances jusqu'à maintenant, puisqu'il a remporté quand même 3 rallyes hein, sur 4 participations. Donc, moi, il est en forme, et je le disais, donc Grèce pour la suite de la saison en fin de mois. Voilà pour notre actualité mécanique. Un mot donc d'athlétisme pour vous rappeler que c'était hier le meeting de la Diamond League, de la Ligue de Diamants, qui avait lieu à Stockholm. On rappelle l'événement de ce meeting, c'est la victoire et le nouveau record du monde pour Armand Duplantis, qui à domicile a réalisé donc un nouveau record du monde, 6m28, 1 cm de plus bien entendu que la précédente marque, à domicile. Donc il y tenait et il avait déjà réussi cette performance. Alors 2022, c'était il y a déjà un petit moment, parce qu'il y en a eu beaucoup entre temps, des records. 6m28, record du monde. Notez la très belle quatrième place de Renaud Lavinini qui a pris quand même une barre à 5,80. Et puis Marshall, l'Australien Curtis Marshall, lui terminera deuxième avec une barre en 5,90. Voilà pour l'actualité. Donc athlétisme avec ce record du monde qui était l'événement une nouvelle fois à domicile pour Duplantis. Rendez-vous désormais au meeting de Paris Charletti. Ce sera déjà ce week-end, hein, vendredi. Vendredi, donc rendez-vous pour ce nouveau rendez-vous avec au programme du 200 mètres femmes et 400 mètres femmes. Pour les hommes, ça démarrera aux 800 mètres. Il y aura du 5000 mètres également, et puis après pas mal de concours de la hauteur, du triple saut, voilà. Et vous l'aurez compris, on n'aura pas toutes les épreuves évidemment, on va alterner à chaque fois, et donc cette fois ce sera rendez-vous à Charletti pour ce meeting donc de la Ligue de Diamants. Voilà pour notre actualité du côté de l'athlétisme. On continue avec du handball. C'était la fin de saison en Ligue des Champions avec le Final Four qui avait lieu tout le week-end. À noter que Nantes faisait partie de ce Final Four. Malheureusement, ça s'est pas bien passé face à Berlin. Large défaite 34-24. Le Barça qui s'incline d'un tout petit but face à Magdebourg, 31-30. Et c'est finalement Magdebourg qui s'est imposé en finale face à Berlin, 32-26, voilà, et qui était au-dessus sur ce week-end. Et puis, c'est donc Nantes qui a terminé troisième en battant le Barça, 30-25, à noter. Le dernier match, donc dans les buts de Vincent Gérard, qui avait, on rappelle, accepté une pige pour la fin de saison avec le FC Barcelone, et il était présent donc sur ce Final Four. Il n'a pas pu empêcher les défaites du Barça, mais en tout cas très grosse carrière pour Vincent Gérard avec l'équipe de France également. Il a clôturé cette carrière avec ce dernier match donc avec le FC Barcelone. En tout cas, donc Magdebourg vainqueur de cette Ligue des Champions masculine. À noter que chez les femmes, malheureusement, Metz s'est incliné également en demi-finale. Ça a été très serré, cette demi-finale femme, puisque les Messines ont perdu aux prolongations, hein, 31-29. Vraiment déception pour les Messines qui auraient échoué aux portes de la finale face au club de Odense, qui d'ailleurs s'est qualifié pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Et les Danoises qui était pourtant menée de 7 buts hein, à 20 minutes du terme, et elles sont revenues très vite pour aller arracher finalement une prolongation, et malheureusement les Messines qui s'inclinent dans le money time et dans les prolongations, et c'est une grosse déception pour les Messines qui avaient vraiment de grosses espérances dans ce Final Four. Elles se consoleront en Elles ne se contrôleront pas, pardon, même avec la défaite pour la troisième place face à Esberg. Et puis c'est l'équipe de Gjør qui s'impose donc face aux Danoises de Odense, justement, donc 29-27 donc pour les Ligue des Champions féminines. Malheureusement, déception pour les Messines. Voilà pour toute l'actualité. On rappelle que Paris a bien sûr remporté le titre en Star League avec 4 points d'avance sur Nantes. Montpellier a terminé 3e. Chartres reviendra l'année prochaine en Star League puisqu'ils se sont maintenus. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais bravo à eux. Et qu'on retrouvera l'année prochaine. Malheureusement pour Saran, il faudra attendre un an de plus puisque on n'a pas battu en demi-finale de play-off, donc ce ne sera pas pour cette année pour les Saranais pour la remontée. Voilà pour le handball. Du basket désormais, là aussi on rappelle pour Orléans en Pro B, ça ne sera pas pour cette année non plus, hein, battu face à l'équipe du Portel, hein, équipe de la Betclic Elite, hein, assez logiquement les Orléanais ont été battus sur ces deux matchs de demi-finale, hein, 87-68, 70-72, un petit peu moins au retour, mais c'était trop compliqué pour Orléans. Pour l'instant, et donc dans cette finale, c'est le Portel donc qui est pour l'instant l'équipe qui s'en sort et se maintient en Betclic Elite puisqu'elle a dominé. L'équipe en finale, l'Alliance Sport Alsace 69-47 lors des barrages donc Betclic Elite Pro B, et donc elle a tenu son maintien. Elle restera donc dans l'élite l'année prochaine après cette victoire donc 2-1 dans cette finale d'accession et voilà, c'est donc le Portel qui reste. On retrouvera le même groupe pratiquement en Pro B l'année prochaine. Puisque voilà, ben il n'y a pas eu pas d'équipe de Pro B, hormis bien sûr Boulazac qui avait terminé en tête, mais sinon pour les autres ça n'a pas pu se passer. Et puis Chartres qui va en tout cas descendre, donc deux changements seulement par rapport à cette année. En Betclic Elite, eh bien justement c'est Paris qui pour l'instant mène la finale face à Monaco avec une victoire 94-82, c'était hier soir. Fin d'après-midi, on aura un autre match demain, donc cette fois donc toujours à Paris, hein, pour la deuxième étape, 20h30. Et puis Monaco recevra donc les Parisiens. Ce sera vendredi soir pour la troisième, peut-être dernière manche. Avec rappel, il faudra gagner au moins deux pour peut-être aller chercher au moins trois, pardon, pour peut-être aller chercher une victoire finale. Donc pour l'instant 1-0, il restera minimum deux échéances avant. Avant peut-être plus, on verra en tout cas voilà ce qui va se passer. Voilà pour le basket. Tiens, noter aussi que aura lieu cette fin de mois de juin la Coupe du Monde du basket à 3, donc 3 contre 3, qui aura lieu à Ulaanbaatar en Mongolie. Ce sera du 23 au 29 juin. Les deux compositions d'équipes des équipes de France ont été dévoilées, donc deux vice-championnats olympiques pour donc les hommes, notamment on rappelle qu'ils avaient été médailles d'argent au JO de Paris, hein, dans une finale incroyable, et donc Franck Seguela, Jules Rambeau seront bien sûr de ce voyage, donc ils seront sera également diffusés sur la chaîne L'Équipe, hein, et donc pour les filles là aussi ce sera à suivre cette compétition pour les filles. Bien sûr, on retrouve pratiquement l'équipe habituelle après la déception des JO, hein, malheureusement, qui ont été battus à côté, qui ont été passés complètement à côté de leurs Jeux Olympiques. Voilà, en tout cas, donc ce sera la fin du mois. Et puis pour finir, la NBA, eh bien suspense entier dans cette finale puisque entre Orléans, Oklahoma City et Indiana, on est à deux partout. Voilà, première victoire d'Indiana 100-110, c'était très serré. Ensuite, il n'y a pas eu de match. Hein, Oklahoma City a battu lors du match de 123-107 Indiana. Indiana est repassé devant avec une victoire 116-107. Et puis, dans la nuit, pas la dernière nuit, mais la nuit d'avant, c'est Oklahoma City qui a égalisé en battant donc Indiana 111-104. Encore deux matchs minimum, parce que je rappelle, on va en quatre pour gagner. Donc la nuit prochaine, donc Oklahoma City recevra Indiana, ce sera 2h30. Et puis vous pouvez suivre le match numéro 5, numéro 6 même, donc aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, là aussi 2h30, et peut-être, peut-être une ultime manche, un septième match, peut-être dans le week-end, mais tout ça il faudra confirmer avec ces deux matchs à venir déjà. Voilà donc pour la NBA et pour cette finale à suspense. Donc voilà pour le basket, on clôture. On clôture cette page-là. On va poursuivre avec du rugby, j'allais dire du tennis, mais du rugby d'abord, avec là aussi les playoffs en top 14. Eh bien, c'est pour l'instant les demi-finales qui auront lieu vendredi et samedi. Donc, Toulouse s'est qualifié, Toulouse est en demi-finale grâce à sa première place lors de la saison régulière. Et on rappelle 90 points, hein, 18 victoires et 7 défaites seulement. Donc, qui a réalisé une grosse saison sur 90 points donc, qui affrontera Bayonne en demi-finale puisque Bayonne s'est qualifié en barrage en battant Clermont 20-3, il n'y a pas eu de match hein, clairement. Et puis dans l'autre demi-finale c'est Bordeaux-Bègles qui a terminé deuxième qui va affronter Toulon qui de son côté est sorti vainqueur de son barrage face à Castres 52-23, donc là aussi il n'y a pas eu de match. Finalement les quatre premiers se retrouvent en demi-finale, donc très logique. Donc ça sera samedi pour Bordeaux-Bègles-Toulon et puis donc pour Toulouse-Bayonne ce sera vendredi avant bien sûr la grande finale donc de top 14 des playoffs le samedi 28 juin prochain. Voilà donc pour le top 14 ce qu'on peut en tout cas vous dire. On rappelle que c'est Montauban aussi qui va monter en top 14 après sa victoire face à Grenoble 24-19 qu'on retrouvera donc l'année prochaine en top 14. Voilà, et puis pour top 14 justement ce sera Van hein, qui va descendre sans doute un petit peu depuis un petit moment. Voilà pour le rugby et puis du tennis avant de marquer une pause et de retrouver Hugo donc dans 5 minutes maintenant. Et bien donc la fin de saison sur terre battue quasiment hein, même s'il y a encore quelques tournois, mais surtout la tournée du gazon démarre avec deux tournois. Donc déjà la semaine dernière hein, quelques tournois encore avaient lieu en terre battue, mais surtout beaucoup de gazon avec Stuttgart. C'est Taylor Fritz qui a battu le local Alexander Zverev en deux manches 6-3, 7-6, entre les deux premières têtes de série d'ailleurs du tournoi, assez logique. C'est l'Américain qui s'est imposé devant l'Allemand. On avait ce tournoi-là, et puis on avait un autre tournoi, Arthur Gamebock aussi sur gazon qui démarrait. Mais surtout cette semaine, on va retrouver un tournoi un petit peu plus important avec Halle et le Queens. Voilà les classiques hein, avant Wimbledon. On aura donc Halle d'abord. Yannick Sinner en lice demain face à Yannick Hanfmann, l'Allemand, qui est sorti des qualifications. Ce sera demain après-midi. C'est déjà fini pour Alexandre Müller, pour le Français, battu aujourd'hui en deux manches par Bublik. Pas facile pour démarrer le tournoi. C'est passé pour Quentin Alice qui a battu Benjamin Bonzenkamp, deux Français qui se rencontraient en deux manches. Donc on le retrouvera au prochain tour face à Daniil Medvedev, lui aussi sorti vainqueur en deux manches. Tsitsipas s'est qualifié en trois manches aujourd'hui. Hugo Humbert jouera demain face à Shapovalov, ça va pas être facile non plus. Alexandre Zverev, tête de série 2, jouera demain aussi, même après-demain, face à Giron, l'Américain. Il y aura Sonego, on aura Kachanov aussi, voilà les principaux joueurs qui vont jouer dans les jours à venir. Et puis Thomas Machak, le Tchèque, face à Hurkacz pour une autre rencontre de ce tournoi de Halle. Et puis il y aura le Queens aussi, l'autre tournoi principal donc de la semaine. Alcaraz participera, le numéro 2 mondial, il sera présent au Queens, et on l'a dit, Sinner, ce sera de côté de Halle. Ce sera Alcaraz ici, qui sera la tête 1 de série 1. Il affrontera demain Alexander Davidovich Fokina, donc son compatriote. Jack Draper, le Britannique sera lui tête de série 2, il jouera demain également. Giovanni Pecci-Péricard face à Nakashima. Ce sera demain. Le vainqueur retrouvera Dan Evans, ce sera pas simple hein, au tour suivant, qui a battu Tiafoe aujourd'hui. Corentin Moutet enchaîne aussi, il sera présent ici à Queens. Il affrontera Taylor Fritz, tête de série 3, pas simple aussi demain. Gaël Monfils était du rendez-vous, mais c'est déjà fini, battu par l'américain McDonald aujourd'hui. En deux manches, 6-4, 6-4. Arthur Hinderner, lui, jouera demain face à Shelton. Ce ne sera pas simple non plus. Pour le tournoi du Queens, donc, avant, bien entendu, l'échéance de fin du mois à Wimbledon, début juillet, fin juin, début juillet. Et il y aura avant ça Majorque encore sur gazon pour ceux qui le souhaitent. Voilà pour les tournois principaux. Puis chez les femmes, là aussi, le gazon démarre cette semaine. Berlin. Le tournoi principal de la semaine, Sabalenka, il sera Coco Gauff, la récente vainqueur de Roland Garros. Notamment, pas de française en revanche dans ce tournoi. Voilà donc pour le tennis. On rappelle que Yannick Sinner aussi faisait le double, avait joué le double à Halle. Ils ont été battus d'entrée avec son partenaire Lorenzo Sonego, l'italien. En trois manches, voilà, avec un super tie-break pour déterminer le vainqueur du match. Voilà donc cette. Et puis on aura bien sûr hâte de les revoir, Alcaraz et Sinner, après leur finale légendaire, voir comment ils vont reprendre sur cette saison au gazon. Allez, une pause, et puis on retrouve Hugo juste après pour la suite, le foot au programme. Et puis bien sûr plein de choses encore à dire. On aura le direct qui va démarrer entre Chelsea et Los Angeles. On va suivre ce match en fil rouge, bien entendu. Et puis on a plein d'infos au Mercato, et puis plein d'infos aussi sur la Coupe du Monde de club. Allez, c'est parti. Tom Odell, Another Love pour le son, et puis juste après donc on retrouve Hugo pour le foot jusqu'à 21h30, 22h. À tout de suite. cette deuxième partie. On va retrouver Hugo. Il nous rejoint 21h01. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Comment ça va? Alors, quand tu m'as demandé ça va, mais je t'entends très mal par contre. Essaye de parler Rémi pour voir. Petit souci de micro, je crois. Est-ce que c'est mieux là? Non, c'est pareil, je t'entends très mal. Très loin. Ok, bon, on va essayer de régler ça. Ah, je t'entends mieux là. Très bien. Oui, après ce week-end chaud. Allô? Oui. Oui, je disais comment ça va après ce week-end. Ah non, ça va du couper. Écoute, ça va très bien. Bah, week-end chaud, oui, le samedi, ouais, après le reste. Mais ça va très bien. Bah alors, le beau temps revient, donc ça va très très bien. Une nouvelle compétition, je suis pas encore convaincu, mais bon, c'est toujours ça. On va essayer de profiter un petit peu cette semaine là, de la Coupe du Monde. Oui, on va en parler. Paris qui a joué hier. Donc ce soir, donc Chelsea. Face à Los Angeles. Donc c'est parti d'ailleurs. Enfin, c'est en train de démarrer. Hein. Ça y est, c'est parti là. Ça y est. Et donc, on va suivre ce match hein, avec des Français hein, sur la pelouse, notamment Olivier Giroud, Hugo Lloris. J'ai pas regardé la composition complète, mais en tout cas, il y a forcément ces deux-là. Ouais, c'est les seuls Français. Hein. Ok, bon, bah, il est même pas sur le. Giroud qui est sur le banc. Il est sur le banc, c'est ça. Bon, c'est parti, on va suivre ça. Et puis non, oui, en fait, un seul Français en fait, hein, finalement. Oui, tout à fait. Très bien. Bon, on va suivre ça. Puis on va parler des matchs d'hier aussi, avec Paris, avec les matchs qui sont, avant-hier aussi, il y avait des matchs hein, dans les. Alors c'est beaucoup la nuit, évidemment. Et puis, on va aussi revenir sur un petit peu ce qui se passe au niveau transfert. Il y a eu des petites choses, hein. C'est le tout début. Alors, en plus, il y a cette Coupe du Monde des clubs, donc ça favorise pas évidemment les transferts pour les clubs qui sont engagés. Mais il s'est passé des petites choses quand même. On va en parler, bien entendu. On va revenir sur chronologiquement sur ce qui s'est passé sur cette Coupe du Monde des clubs. Donc ça a démarré il y a deux jours hein, sur la nuit de samedi à dimanche. Ouais, c'est ça. Donc les premiers matchs. On va revenir groupe par groupe. Donc premier match, groupe A. Le temps de retrouver le groupe A, il est ici. On avait donc notamment alors Inter Miami. Donc c'était le début pour Lionel Messi notamment. Face à l'équipe du Caire, donc bon, pas de but, 0-0, assez décevant cette rencontre. Enfin, avec Suarez aussi qui était là. Ouais, Busquets aussi. Hein, Busquets, notamment. Ouais. Décevant. Après, honnêtement, je m'attendais pas forcément à mieux, mais c'est vrai que j'étais resté plus ou moins éveillé en tout cas pour regarder un petit peu le match. Bon, je me cache pas, je me suis endormi devant, mais non, j'ai regardé une bonne partie la première période même. Le niveau est assez piètre, sans vouloir forcément descendre le niveau des équipes non européennes ou quoi, mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Même l'Inter Miami, hein, justement, tu disais Messi, Suarez, Busquets, c'est un peu les trois seuls noms qu'on peut retrouver, mais voilà, ils ont tous leur âge. Leur âge respectif et autour ils sont pas hyper bien entourés et non franchement c'était assez pénible à suivre comme confrontation. Pourtant notamment en première période Al Ahly, Le Caire, les Égyptiens se sont procuré pas mal d'occasions et ont vraiment dominé les Américains, mais après la seconde période j'ai vu que des petits bouts, hein, je vous l'ai dit, je me suis endormi devant un moment. Parce que c'est vrai que le coup d'envoi à 2h du matin, c'est peut-être un peu compliqué pour nous Européens. Un petit match pour débuter cette Coupe du Monde, qui présumait rien de bon, et puis on va enchaîner sur le lendemain, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, même les autres matchs, on va voir. C'est une compétition vraiment. Soit c'est vraiment trop déséquilibré, on va le voir avec le Bayern, soit c'est des petits matchs comme on a pu le voir entre Al-Ahly et Miami, quoi. Bah oui, justement, dans ce même groupe, donc Palmeiras, Porto, 0-0 également. Voilà, c'est un peu le même constat. Alors, c'est vrai qu'il y a c'est un peu plus sympa comme match, quand même, que. Un peu plus de niveau aussi, footballistiquement parlant, que entre Al Ahly et Miami. Mais oui, 0-0 aussi, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas été gâté dans ce groupe A pour l'instant. Et alors c'est vrai qu'on en parlera, mais sur les autres rencontres, beaucoup aussi de problèmes au niveau de la chaleur. Il y a beaucoup de stades où il fait très très chaud, avec Paris notamment hier. Il y a d'autres matchs où il y a fait plus de 34 degrés, donc c'est vrai que c'est pas facile. Oui, c'est pas des conditions optimales non plus, c'est sûr. Non. C'est sûr. Donc demain, pas demain, jeudi, donc la deuxième journée pour ce groupe. Palmeiras, Le Caire et puis Inter Miami, par ton cœur, ce sera un peu plus facile de regarder puisque ce sera 18h et 21h. Voilà, donc ce sera un peu plus simple de les suivre. Donc ce sera sur DAZN qui diffuse tout et puis TF1 qui diffuse quelques rencontres, enfin Paris notamment hier et puis d'autres matchs. Mais je crois qu'il diffuse que la finale, hein, TF1. Et que la finale, oui, peut-être bien. Mais ouais. Sinon tout le reste a été est resté chez DAZN. Mais que vous pouvez regarder gratuitement en tout cas sur DAZN. Il faut juste créer un compte, mais c'est pas payant. Donc ça c'est pour le groupe le groupe B. On a donc le PSG qui jouait hier face à l'Atlético. Donc cette victoire 4-0. Un gros niveau de Paris. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette expulsion en fin de match qui a pas aidé l'Atlético, mais globalement Paris était quand même au-dessus. Avant ça, il y a eu deux buts déjà. Et le niveau était au rendez-vous pour Paris. Hein. Bah ouais, on savait pas forcément quel visage allait aligner le PSG, quelle motivation surtout, ce qu'on allait voir vraiment lors de cette entrée en lice. Et on avait un PSG dans la lignée de ce qu'ils nous font depuis 5-6 mois, depuis cette année 2025, un PSG énorme, très fort. Qui laisse pas du tout balancer l'adversaire, qui contrôle à 100% le milieu de terrain avec ses trois petits joyaux, Vitinha, Neves et Fabian Ruiz aussi. Donc non, un gros PSG effectivement. Franchement, dans la même lignée, je l'ai dit, de 5-6 mois de cette finale de Ligue des Champions aussi, ils ont été vraiment énormes. Ils ont joué avec beaucoup d'envie, effectivement, contrairement à l'Atlético qui n'a vraiment trouvé aucune solution, qui était s'est vite renfermé un petit peu aussi dans son bloc médian qui a fait de l'Atlético mais qui n'a pas du tout réussi face à la machine parisienne. Pourtant ouais, il y avait des joueurs je trouve en deçà, notamment au PSG. Je pense à Gonzalo Ramos, hein, ça reste toujours compliqué pour lui, hein, franchement. Je sais pas s'ils peuvent ou s'ils vont essayer de s'en séparer cet été. Je pense que. Alors je sais pas quelle est sa cote marchande actuellement. Je sais pas si tu peux voir ça, mais c'est vrai que si le PSG peut essayer peut-être de faire un petit billet avant que vraiment justement sa valeur marchande ne chute de trop encore d'ici une saison, je sais pas. Mais bon, Ramos, j'y croyais déjà plus trop depuis quelques temps, mais là encore plus depuis hier soir, il m'a pas du tout rassuré. Et puis un petit bémol aussi, mais parce que forcément là depuis 6 mois voire un peu plus, on peut en attendre plus, c'est Désiré Doué. Je l'ai trouvé un peu On sera autour de 40 millions aujourd'hui. Ouais, 40 millions. Bon, c'est encore pas mal. Bon, il a été acheté 80, le double, hein, mais bon, si tu peux en récupérer 40, bon, c'est quand même pas mal. Ouais. Tu sais, certaines équipes, ils savent aligner les chèques. Chelsea, qui d'ailleurs continue, même sur ce début de mercato, à recruter, à avoir un effectif de 40 mètres de long. Mais il y a des équipes comme ça où ils peuvent aligner des chèques. Donc, tu sais, après, moi, je pense qu'en tout cas, il faudrait s'en séparer, quitte à trouver un autre petit jeune ou une autre pépite ou alors un vieux briscard, mais tu sais qui peut encore te servir dans le turnover, je sais pas, mais il faut moi je pense pour moi faut se séparer de Ramos tant que justement il a encore une belle petite cote sur le marché. Entre 40 et 50, ouais, 40, autour de 40. Ouais, quand même, donc tu peux te faire un bon petit billet quand même, alors même si on sait que le PSG n'a pas forcément besoin de petits billets, mais bon, c'est quand même toujours des sous à faire rentrer. Mais voilà, pour Ramos, moi j'y crois vraiment plus trop. Même chose pour Kangin Lee, hein. Lee qui va marquer le penalty en toute fin de match, hein, le 4-0, mais même son entrée elle a été assez compliquée, je l'ai trouvé assez emprunté pour être un peu grossier, mais c'est des joueurs je pense sur lesquels on peut pas vraiment pas compter si PSG veut vraiment justement continuer à performer et confirmer la saison prochaine sur tous les tableaux. Je pense qu'il va falloir des joueurs encore plus même s'ils ont réussi cette année à tout rafler bien sûr avec ces joueurs là notamment, mais si vraiment tu peux continuer tout ça et avoir encore plus de profondeur de banc, parce que je trouve que mine de rien le banc est encore assez faible côté Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs, ces joueurs-là, faut s'en séparer. Et donc je disais avant que tu m'interrompes que oui, Désiré Doué, forcément on en attend peut-être encore plus maintenant, mais j'ai trouvé un peu jouer avec un peu de suffisance, un peu de nonchalance presque hier. Alors, il a été important, il a beaucoup décroché, il a provoqué des fautes également. Mais je trouve voilà dans le dernier geste, dans techniquement aussi des fois, voilà, j'ai trouvé un petit peu en deçà hier. Après bon voilà, ça n'a en aucun cas impacté négativement le Paris Saint-Germain qui a fait, je l'ai dit, son match et un Atletico voilà fantomatique, je sais même plus c'était combien, 75% de possession voire plus, 77 à la fin, je sais plus. En tout pour PSG, c'est gigantesque. Et puis ouais, l'Atletico, tu l'as dit, qu'il y a un carton rouge à la fin de Clément Lenglet après un second jaune. Mais c'est à l'image du match de l'Atletico, très nerveux. C'est vrai qu'ils étaient. Cette jaune, ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est gros. Et c'est à l'image de leur match. Exactement. Mais voilà, il y a vraiment pas un joueur à sortir du lot. Hein. Ça me fait mal aussi encore pour Griezmann, hein. Ça fait déjà plusieurs semaines, ça fait plusieurs semaines qu'on n'était pas venu à l'antenne déjà, mais ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que voilà, on dit que voilà, Griezmann, ça commence à être compliqué là avec l'Atletico depuis 6-7 bons mois aussi. Et là ça s'arrange pas non plus. Alors bon, c'était le PSG en face, hein, je ne dis pas. À voir, peut-être il peut aussi se réveiller ou essayer de performer contre Botafogo ou Seattle. Mais en tout cas là hier même avec Griezmann, c'était encore très très fantomatique. Donc on va pas rajouter, on va pas dire 5000 choses en plus, hein. De toute façon, le PSG a survolé ce match 4-0. Et c'est pour moi le favori de cette compétition dans tous les cas. Il va falloir la jouer jusqu'au bout aussi. J'attends de voir aussi le visage qu'ils vont montrer face justement aux autres adversaires, parce que là effectivement c'était un petit peu le classico, si j'ose dire, de ce groupe-là, quoi. C'était le gros match de ce groupe-là entre les deux favoris. Donc à voir comment le PSG va jouer face à Botafogo, face à Seattle. Je pense que Enrique va forcément faire un petit peu tourner, c'est sûr aussi. D'ailleurs, il a très bien pu le faire aussi durant les 15-20 dernières minutes hier soir. J'espère que le PSG va jouer la carte à fond aussi contre Botafogo, contre Seattle. On va parler du Bayern juste après, hein, qui a mis une belle gifle au vrai petit poussette de cette Coupe du Monde. Mais voilà, moi j'ai envie de voir le PSG aussi s'ils peuvent claquer des 5-6-0 à des Seattle par exemple. Botafogo, je sais pas. On sait que le football sud-américain, c'est toujours un peu plus voilà, mais ça rapproche, on va dire, de l'Europe, même si ça reste encore très en dessous. Mais par exemple, face à Seattle, j'attends de voir quel visage va montrer le PSG. Mais une très belle entrée en matière, bien sûr. Et puis donc dans le groupe, c'est Botafogo qui a remporté son duel face à Seattle 2-1, et donc qui prend aux côtés de Paris la tête de ce groupe. Donc la suite des matchs de ce groupe, ce sera vendredi. Donc là, il faudra rester éveillé, puisque l'Atlético jouera à Seattle à minuit, puis Paris jouera à 3h. Cette rencontre face à Botafogo, donc, il faudra rester. On précise, hein, c'est bien dans la nuit de jeudi à vendredi, hein, quand même. C'est pas le vendredi soir. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le dire. Ouais. C'est ça. La nuit de vendredi, donc, il va falloir rester éveillé ou mettre le réveil pour voir ce match. Et puis le dernier match, ce sera à 21h, hein, le lundi 23, donc on pourra lundi prochain, donc on pourra. Le suivre en direct d'ailleurs. Des petites expérimentations qui sont faites sur cette Coupe du Monde. On a la sonorisation des arbitres qui donne les explications de la VAR, c'est plutôt sympa. Et puis on a aussi, je sais pas si on l'a vu, mais expérimentation aussi de la nouvelle règle des gardiens, notamment sur la règle des 6 secondes, la fameuse règle des 6 secondes qui a changé cette année, donc c'est désormais la règle des 8 secondes. Mais si les 8 secondes ne sont pas respectées, c'est un corner maintenant pour l'équipe adverse. C'est une nouvelle règle qui rentre et donc qui est expérimentée sur cette, notamment sur cette compétition. Donc voilà, je suis pas forcément convaincu de ça. Enfin, on sait déjà que la règle des 6 secondes avant n'était pas forcément très très appliquée non plus. Alors, elle n'était pas appliquée parce que c'est vrai que ça donnait un coup franc indirect, donc c'était quand même un vrai impact. Là, c'est un corner, donc c'est peut-être sûr. Pas. Donc on va voir ça. Donc, si c'est bien respecté, en tout cas, à partir de 5 secondes, l'arbitre doit décompter, et puis, normalement, à la fin du décompte, c'est un corner. On verra si ça porte ses fruits. En tout cas, ça va être mis en place. Et puis la sonorisation, plutôt intéressante. On l'avait vu pas mal de fois d'ailleurs dans des compétitions. Alors, une action pour Chelsea, mais qui n'a rien donné finalement. Donc on va suivre ça. Tiens, on parlera de l'Euro aussi, espoir, juste après, qui a lieu en même temps. J'y pense là, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui se fait chez les espoirs, la sonorisation des arbitres. On en parlera après. Donc voilà, Paris, dans la nuit jeudi-vendredi, pour sa deuxième rencontre. tu le disais depuis donc, bah, on en a parlé depuis le début de ce sujet, le Bayern, voilà, qui a démarré fort face à Auckland, c'était hier. Cette rencontre, victoire 10-0. Donc, bah, voilà, enfin, pas grand chose à dire. Enfin, en tout cas, sur Auckland, il n'y a pas eu de, d'adversité. Il y a un match où il n'y a pas eu de carton d'ailleurs, donc ça prouve bien qu'il ne s'est pas passé grand chose côté d'Auckland. Et, non, c'était un match serré pendant 5 minutes. Ouais. Après, ouais, non, mais bah, forcément, après, voilà, oui, je l'ai dit, c'est le petit poussé, hein, de toute façon, de cette compétition. Ouais. Auckland, c'est l'unique représentant du continent de l'Océanie dans cette Coupe du Monde, mais c'est vrai que voilà, oui, c'est vraiment le petit des petits poussés, vraiment le, et on l'a vu sur cette rencontre là. Ouais, bah ouais, on a un doublé de Coman, d'Olise, un triplé de Musiala, voilà, notamment, donc doublé de Müller aussi. Ouais, également. Et les quatre premiers buts du Bayern français, hein, les Frenchies. Coman, ouais. Boé, Olise et puis bah Coman une deuxième fois. Mais ouais, mais exactement. Et donc bah ouais, ça fait 10-0 donc pour qui démarre bien. Bon, de toute façon, je me faisais pas beaucoup de. Bon, puis c'est une victoire à la Bayern quoi, pas oui. À l'allemande. Hein, oui, exactement. Je me faisais voilà. Pas trop d'inquiétude pour eux, mais voilà, maintenant c'est ça démarre bien leur compète. Donc après, on aura Boca Juniors Benfica. Ça c'est cette nuit, enfin c'est à minuit tout à l'heure. Ça peut être sympa, ça, ouais. Tu vois, une petite confrontation comme ça. Le football portugais avec le football argentin, puis deux gros clubs historiques mondiaux, donc ça, j'espère que ce sera un match sympa. Ouais, donc c'est à minuit tout à l'heure, et après donc la deuxième journée, Benfica Auckland et Bayern jouera Boca Junior, ce sera donc samedi. On a ensuite le groupe D, donc passé de Chelsea, qui joue en ce moment face à Los Angeles. On aura tout à l'heure aussi cette nuit à 3h du matin Flamengo face à Tunis, l'Espérance de Tunis, voilà, donc ça peut se lever pour le voir aussi celui-là. Ouais. Ouais. Et puis donc Chelsea remettra ça vendredi face à Flamengo, et puis Los Angeles jouera à Tunis. Voilà, on fait un petit peu le tour des autres groupes, bon, ça a pas joué encore, mais l'Inter Milan va affronter Monterrey, ce sera dans la nuit de mardi à mercredi. Voilà. Vous pouvez suivre ça face à l'équipe du Mexique. Donc on va voir un petit peu comment l'Inter va se relever de cette défaite en finale des champions aussi. Ça peut être intéressant, même si ce sera pas une grosse adversité en face. Hein. Ouais, c'est sûr. Oui, déjà ça, mais tout simplement ils vont vraiment essayer de jouer cette compétition à fond aussi. Ouais, effectivement. Ouais, on va voir si tous les clubs européens la jouent de la même façon ou pas. On va voir ça. Un groupe relativement stable, parce qu'après il y a aussi donc River Plate et l'équipe de Urawa Red Diamond, qui est l'équipe du Japon, donc on connaît pas trop aussi le niveau. Ça, ce sera demain soir, cette rencontre à 21h, donc qui est un groupe plutôt relativement simple. Inter, on va suivre un petit peu ce que ça donne. Le groupe F, donc Borussia Dortmund, qui affrontera Fluminense, ce sera donc les clubs brésiliens, ce sera donc demain à 18h. Et puis enfin donc l'autre rencontre, ce sera l'équipe de Ulsan Hyundai, l'équipe sud-coréenne, qui affrontera l'équipe de Mamelodi, c'est ça, Sundowns. Ouais, Sundowns, ouais. Équipe de sud, l'équipe sud-africaine, et ça ce sera à minuit, donc ça chamaille un peu je crois dans le match. Ouais, Chelsea qui a eu une chaude action, et puis ouais, c'est un petit peu chauffé après, mais... Ouais. Mais ça pousse sur le but du Gulloris, en tout cas. Bel arrêt de Gulloris sur cette du pied gauche là, en se couchant. Donc ça chauffe, ouais. Ça chauffe fort dans cette rencontre. Donc ouais, dans la nuit de mardi à mercredi, donc cette deuxième rencontre. Et donc Dortmund demain en soirée. Le groupe G, donc c'est le Manchester City et la Juve notamment, un gros groupe là aussi. Donc ils se rencontreront d'ailleurs sur la dernière journée, hein, peut-être pour la première place. City face à Casablanca, donc ce sera mercredi à 18h. Et puis la Juve va affronter l'équipe des Émirats Arabes Unis. Alors, Al Ain, c'est ça, on prononce comme ça? Ouais, je pense, ouais. Alors, moi, tu veux dire Alain, mais non. Pas ce gros mec, quoi. Je pense pas. Et ça, ce sera du coup dans la nuit suivante, hein, du mercredi à jeudi à 3h du matin. Donc voilà, bah ça peut être intéressant aussi de voir si ça joue à fond le City Juve quand même, le Juve City en fin de groupe. Bon, peut-être si ça joue, voir un petit peu le niveau. Oui, tout à fait. Oui, bah, ce sera les matchs forcément le plus intéressant dans tous les cas, les confrontations européo-européennes, quoi, on va dire ça comme ça. Donc c'est triste, hein, mais c'est un peu ça, quoi. Ou comme je le disais, voilà, vite confrontation européo-sud-américaine, ça peut être sympa, mais voilà, le reste, on sait que c'est quand même un gros niveau d'écart. Donc mais forcément, oui, des City-Juve, si les deux jouent un peu le coup, oui, ça peut être, c'est toujours des matchs sympas à regarder. Ouais, donc on suivra ça. Et puis bien sûr, l'entrée du Real aussi, qui est attendue, ce sera dans le groupe H. Donc début mercredi soir, face à Lille à 21h. Intéressant aussi à voir cette rencontre, voir le Real avec cette équipe dont on a beaucoup parlé, hein, cette année, puisque c'est l'équipe d'Arabie Saoudite. Avec le championnat dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, et c'est Mitrovic, je crois, qui est ça qui joue là-bas, hein. notamment Mitrovic, ouais. Il y a Malcolm aussi, ancien bordelais, hein, qui le brésilien, Neves en attaque. Il y a Neves, il y a Milinkovic-Savic, hein, qui avait failli signer au PSG, l'ancien Radio. Oui, Cancelo aussi, le portugais. Ouais, Koulibaly, l'ancien napolitain, le sénégalais. Exactement. En défense. Ouais. Et puis Renan Lodi, qui a joué à l'OM aussi, hein, juste avant, le latéral gauche, si je me souviens. Et puis même le gardien marocain, Yacine Bounou, hein, l'ancien de Séville. Oui. Il y avait Neymar il y a encore quelques mois, du coup. Mais... Ouais, il ne sera pas, là. Forcément, mais... Qui retrouvera pas le Real, oui. Non, il reste encore une petite poignée de joueurs sympas à Lille, voir si ça peut un peu tenir contre le Real. On va voir ça. Oui, surveiller. Et puis, le Pachuca, les Mexicains, face au dernier club européen, Salzbourg, les Autrichiens, ce sera... dans la nuit de mercredi à jeudi, donc à minuit. Voilà, cette dernière rencontre de ce premier tour, cette première journée. Et si on va un petit peu plus loin pour se donner un petit peu de vision sur ce qui va arriver après en huitième de finale, le Paris Saint-Germain rencontrera le deuxième, enfin, en sous-entendant que Paris va terminer premier, hein, pourrait rencontrer le deuxième du groupe A. Voilà, donc pour le moment, ce deuxième du groupe A, c'est Palmeiras, enfin tout le monde à égalité, mais ce sera en tout cas peut-être Porto, l'Inter, enfin voilà, l'un de ces équipes là et puis si on va un petit peu plus loin en quart, et eh bien ce sera une équipe issue du groupe C ou D, et on l'a dit, le groupe C, ce sera peut-être le Bayern ou peut-être Chelsea éventuellement. Donc on se projette un petit peu, mais voilà, ça, on peut essayer de voir un petit peu plus loin dans ce groupe. Et donc, c'est vrai qu'on attend un peu tous en huitième un potentiel PSG Inter Miami pour un retour contre Messi, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que beaucoup en parlent, notamment dans les médias, mais je suis pas si confiant que ça sur l'Inter Miami. Encore une fois, moi je les ai vus au match d'ouverture, franchement ça va être très compliqué pour eux, je pense. On va voir sur leur prochain match, mais c'est pas écrit d'avance, quoi, que l'Inter Miami se qualifie et joue le PSG. Ouais, on pourrait finir deuxième, ouais. On suivra. En tout cas, en cas de première place, ce sera Atlante, alors, leur rencontre pour les Parisiens. Et sinon, pour la deuxième place, ce sera Philadelphie. Bon, je pense quand même que ce sera la première place pour Paris si tout se passe bien. Et puis ensuite, ce sera Atlanta également pour le quart. Et puis ce sera ensuite New York pour la phase, enfin, le Final Four, en tout cas les demi-finales et la finale. Donc il y aura, si Paris finit premier, il n'y a plus que deux lieux du coup à suivre. On verra. Tiens, pour finir avec Paris, Dembélé qui s'entraîne toujours à part, hein, le Français. On rappelait qu'il a été blessé à la cuisse gauche lors de la trêve internationale avec l'équipe de France, et qui reprend, il a fait le voyage avec le Paris Saint-Germain, donc toujours à part pour l'entraînement, mais il devrait normalement pourquoi pas débuter sur cette deuxième rencontre. Et Barcola, il y a des news aussi sur Barcola ou j'en ai pas comme ça là, mais je sais pas si toi t'en as. Bah non, je t'aurais pas la question, tiens. Bah non, évidemment. Ça se tient, c'est pas mal. Si. Pour Barcola, je peux peut-être te donner des infos. Peut-être, je te redis ça. Là, j'ai rien sous la main. C'est surtout Dembélé. On a beaucoup de nouvelles de Dembélé. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Hein. On a oublié de le dire, tiens, c'est quoi, tu vas regarder Barcola, mais on a oublié de le dire dans les innovations de cette Coupe du Monde, c'est qu'on vient de le voir là, notamment sur la zone entre Chelsea et Los Angeles, on l'a vu un peu sur tous les matchs, mais c'est la caméra sur l'arbitre également. Là, on a vu la caméra sur l'arbitre, sur lui. C'est vrai. Pour bien voir aussi quand il est placé sur le terrain, de l'angle dans lequel il est, pour voir les fautes et des choses comme ça. Donc c'est l'une des innovations principales aussi et des tests, on va dire, de cette Coupe du Monde. Exactement. Oui, c'est vrai que je voulais en parler, mais oui, tu fais bien de le dire. C'est deuxième innovation aussi qui peut-être arrivera dans d'autres compétitions après, hein, comme c'est le cas au rugby, où c'est le cas constamment au rugby. Hein. Alors, j'allais dire haute innovation, mais ce n'est pas une, mais c'est propre à cette Coupe du Monde américaine, mais c'est l'entrée des joueurs qui est différente de ce qu'on connaît d'habitude. C'est une entrée en mode NBA, joueur par joueur, quoi. Pas équipe par équipe. Oui. Oui, oui. C'est ça. Je suis pas convaincu, moi, mais. C'est vrai que t'en perds du temps, mais les matchs commencent pas à l'heure, d'ailleurs. déjà ça. Donc, t'as le temps de. Alors, ça va qu'il fait chaud là-bas, en plein été, ça va, mais. Et heureusement qu'il fait pas moins 15, parce que t'as vite fait de te claquer, enfin de plus être très chaud pour le coup d'envoi et de s'il faut 10 minutes à chaque fois pour faire rentrer tous les joueurs. Oui. Il faut rester un peu chaud, quoi. Mais non, mais au-delà de ça, non, mais là je rigole, mais non, je trouve que ça manque d'ambiance, quoi. Ça manque de. J'ai l'impression qu'ils rentrent tous un peu un par un, mais il n'y a pas trop d'ambiance. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est à la télé ou ce qui fait cet effet-là, mais le speaker ne met pas. Enfin, je sais pas. Ça manque de punch américain, de côté chaud, quoi. Ou dans cette entrée des joueurs qui devraient l'être, mais je trouve que ça manque de ça, quoi. Bah oui, de toute façon ils ont jamais été forts pour le foot, hein, autant pour le ouais, mais justement, mais quitte à faire ce type d'entrée là et quand même d'accueillir ce premier gros événement comme ça, on va dire, même si on n'est pas tous convaincus, mais voilà, après on voit aussi les stades qui seraient, alors là, même le stade n'est pas du tout rempli là. Pour Chelsea, Los Angeles, alors on l'a vu contre le PSG, ça s'est rempli d'un coup vers la 30e minute. Donc à voir comment ça va faire aussi sur ce match-là, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas forcément aussi des gros supporters qui sont là pour mettre l'ambiance, donc forcément c'est un peu compliqué. Oui. Mais c'est pour ça que cette entrée-là, je suis pas convaincu. Mais puis oui, comme tu dis, ça dure 30 ans aussi, donc c'est un peu de temps. Bah ouais, ça démarre plutôt vers 21h05, mais bon. Non, pour Barcola, il n'y a pas pour l'instant pas de d'infos. Hein. C'est un peu tôt. Très bien. Bon voilà, on va continuer de suivre cette compétition. Lundi prochain, un petit point sur ce qui se passe. Et puis on aura la dernière rencontre de Paris aussi qu'on va pouvoir suivre, puisque ce sera lundi soir à 21h, donc ce sera l'occasion d'en parler. Et puis voilà, on va suivre, on va essayer de croire que ça va fonctionner. On va garder espoir, donc on va sur les rencontres en tout cas. Très bien. Donc, deux autres matchs, je le disais, cette nuit. Donc, Boca Juniors, Benfica, c'est minuit. Et puis, Flamengo, Tunis, à 3h. Si vous souhaitez vous lever. Et puis, il y aura un autre match, mais de basket cette fois, à 2h30, ce sera Oklahoma City, Indiana. Si vous voulez, entre deux, si vous voulez zapper. C'est le match 5 de la finale NBA. Donc, deux partout. Donc, très serré, beaucoup de suspense. Donc, c'est la cinquième rencontre à suivre cette nuit. Voilà pour ce qui va vous attendre ce soir et cette nuit. On continue avec le foot, avec l'Euro Espoir, donc sur cette fin de mois de juin. L'équipe de France, pour l'instant, peut encore espérer se qualifier. Une victoire, un nul, un match nul d'entrée face au Portugal. Un nul peut-être heureux, hein. Pour l'équipe de France, puisqu'ils ont été quand même dominés par les Portugais. Et finalement, ils ont pris un point assez heureux. Et finalement, ça s'est bien passé, mieux passé face à la Géorgie, même si ça a été très compliqué. Victoire 3-2. Je ne sais pas si tu as suivi un peu le scénario du match. Je suis un peu de loin, ouais. Avec notamment ce but au bout du bout, là, à 90+12. Mais... ouais. Oui, oui, fou, ouais. Ouais. Et les Français qui menaient tranquillement 1-0, puis qui finalement étaient menés 2-1 à 5 minutes du terme. Et puis ouais, il y a eu cette égalisation à 80e, puis oui, ce troisième but à la 92e avec deux VAR. Enfin, il y a eu un but d'abord dans les débuts du temps additionnel qui a été refusé pour hors-jeu d'un millimètre. Puis finalement, un autre but qui a été validé aussi après l'intervention de la VAR. Donc ça a été très long et finalement, ça passe et ça permet de rester maître de leur destin là, aux Français pour aller chercher la suite de cette compétition. Alors on rappelle qu'il faut terminer premier hein, du groupe, donc il y a que 4 groupes, donc c'est compliqué. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc pour l'instant, ils sont à 4 points comme le Portugal, mais il faudra cartonner face à la Pologne, qui n'a plus rien à jouer dans cet Euro. Ce sera donc demain à 18h, et puis en même temps, vous aurez donc Géorgie-Portugal. Donc il faudra faire confiance à la Géorgie, qui peut aussi se qualifier. Hein. Donc mine de rien, c'est un gros enjeu pour la Géorgie, puisque si la Géorgie gagne et que la France ne gagne pas, bah, la Géorgie se qualifiera. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc il faut déjà gagner, donc à suivre sur W9 si vous voulez suivre cette rencontre de l'équipe de France Espoir. Un petit tour sur les autres groupes, c'est l'Espagne et l'Italie qui dominent le groupe A. Donc c'est déjà fini pour la Slovaquie et la Roumanie, donc les deux formations se rencontreront pour la finale du groupe. Espagne-Italie, c'est demain à 21h, donc le vainqueur se qualifiera. Et si match nul, c'est l'Espagne qui est devant. Le groupe B, c'est l'Allemagne. L'Angleterre est juste derrière, 2 points de retard. Donc les deux se rencontreront aussi. Voilà, ce sera donc mercredi à 21h. Donc là aussi, pour l'Angleterre, il faut absolument gagner. L'Allemagne, un nul suffira. Et enfin, le groupe D, c'est le Danemark qui est en bonne position. L'Ukraine est deuxième, peut encore espérer se qualifier dans la suite de cet Euro. Voilà. Donc là, il y a pas de grands enjeux sur cet Euro Espoir. C'est vrai qu'il y a une période, il fallait absolument gagner. Enfin, il fallait faire une bonne campagne pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Bon, là, il y a pas de Jeux Olympiques à venir. Donc, hormis le titre dans cet Euro, c'est tout ce qu'il y a à jouer. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est surtout aussi l'histoire de se montrer hein, pour les jeunes joueurs. Ah bah bien sûr, oui, parce que ça reste une belle vitrine, bien sûr, pour ça. Comme tu dis, oui, il y a un peu moins d'enjeux en soi, vu qu'il n'y a pas, oui, comme tu dis, il n'y a pas de JO notamment qui arrive, mais oui, ça reste une très belle vitrine. Puis, de toute façon, on sait que cette équipe de France Sport, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de joueurs déjà plus ou moins confirmés, dans le sens où de la plupart jouent déjà dans de très gros clubs. Je pense notamment à Baptistel, d'ailleurs, qui a officiellement re-signé avec Tottenham, justement, on l'a appris aujourd'hui. Quentin Merlin qui joue à l'OM, Le Penant qui joue à Nantes mais qui a déjà joué à Lyon aussi également, Wilson Odobert qui joue déjà en première ligue également à Tottenham, l'ancien de Troyes. Les biscottes, non, comment? C'est pas lui les biscottes? Ah oui, allez. Allez, on continue. J'ai compris très biscotte au début. Je sais, qu'est-ce qu'il me raconte, quoi, le rapport avec le rap américain? Ah oui, les biscottes, oui. enfin, ouais, puis même Guillaume Reste, le gardien, bien sûr, du TFC. Donc, voilà, ça reste des joueurs, oui, qui... Ouais, il reste, je crois qu'il a dit qu'il restait, hein. Il a dit, je reste. Il reste. Takeda. Mais voilà, donc, pour la plupart, ils sont déjà quand même bien ancrés, voilà, dans leur club depuis quelques saisons au haut niveau. Il y a encore quelques joueurs qui doivent se montrer, donc ça reste quand même forcément une belle vitrine. Puis je parle de l'équipe de France, mais c'est pareil pour toutes les autres sélections, forcément. Ouais, bah, à suivre donc cette suite donc, pour l'équipe de France, on a dit demain, 18h, pour essayer de se qualifier. Et puis du coup, ensuite, fin de semaine, on pourrait avoir des quarts de finale pour les Bleus. On verra ça. Tiens, juste avant de parler de Mercato, moi je voulais ton avis sur sur cette histoire d'étoile pour le PSG, qui a décidé du coup de pas mettre l'étoile sur les maillots. Ils l'ont à la Coupe du Monde, en tout cas. Voilà, ils vont l'avoir sur cette compétition. Il y a eu ce maillot collector qui est sorti et qui restera collector, mais bah, l'année prochaine, en tout cas sur la saison, il n'y aura pas d'étoile. Je sais pas, peut-être, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, j'ai envie de te dire, mais non, mais bon, oui, je peux comprendre l'avis du PSG, dans le sens où, effectivement, s'ils ont vraiment, dans l'optique d'essayer d'en rafler le plus possible, de toute façon, voilà, autant. Voilà, le Real n'a pas 15 étoiles au-dessus, le Liverpool n'a pas 6 étoiles au-dessus de son écusson non plus. Voilà, s'ils veulent vraiment faire partie des grands, effectivement, je pense que je comprends leur décision de ne pas la mettre. Après, vous le savez, moi c'est pas la première fois que je le dis, porteur de l'OM, je suis fier de l'étoile qu'on a au-dessus, bien sûr. Surtout voilà, c'est vrai que ça fait des années maintenant qu'on ne performe plus en Ligue des Champions. Oula, l'ouverture du score de Chelsea, énorme. Énormissime. But de... J'ai pas vu que c'était qui, mais très beau but. Hein, L'action est belle, ouais. Ouais. Ah oui, c'est donc bien joué. Pedro Neto, ouais, qui rentre dans la surface. Ah oui, oui, qui magnifique. Va projeter le défenseur de Los Angeles, qui va le mettre dans le vent, et puis il a juste ajusté Loris au premier poteau, à ras de terre. C'est très bien joué de la part de Pedro Neto. Mais donc oui, si le PSG veut s'inscrire un peu parmi les grands comme ça, effectivement, on comprend que c'est pas la peine, entre guillemets, de mettre en avant sa seule étoile, sa première étoile comme ça. Je peux comprendre, mais comme je te dis, après, bon, je trouve un peu, c'est un peu un débat sans être un débat, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Oui, non, ça va rien changer, bien sûr. Par contre, ce qu'ils auront la saison prochaine en Ligue des Champions seulement, ce sera le badge tenant du titre. Badge des champions, ouais. Voilà, mais ils pourront seulement jouer avec lors des matchs de Ligue des Champions. Mais c'est tout. Voilà. Après, il faut, je sais plus, c'est quoi qu'il faut. Il faut gagner trois fois d'affilée ou au moins cinq fois pour avoir le chiffre dessus. Le chiffre sur le patch. Je sais plus c'est combien. Je crois que c'est à partir de 5. Attendez, j'ai des petits maillots à côté de moi, mais moi j'ai dans ma collection là que j'ai à côté de moi, j'ai maillot de Liverpool. Où il y a le numéro 6, c'est le maillot de la AC Milan, il y en a 7. Je sais plus si c'est 5 ou ouais, ça doit être 5. Parce que le Barça, ça doit être marqué, ouais. Et je crois, 3, si c'est 3 d'affilée aussi. Bon, c'est très rare, mais oui, je crois. Le Real, ils étaient déjà plus de 5, mais ouais. Quand on gagne 3 d'affilée, tu peux mettre 3 aussi, mais bon, ça arrive jamais. Hein. Enfin, il y a un badge spécial, non. Mais ça arrive très rarement. Ouais. Mais donc voilà, ils seront ce patch l'année prochaine. Très bien. Et donc voilà, d'ailleurs, ils jouent avec leur nouveau maillot, hein, le Paris notamment. Bah, ça, tout le monde, hein, la plupart, oui, la plupart des clubs l'ont. Hein. Le Bayern hier ou avant-hier, le Chelsea là ce soir également. Ouais. Ils jouent tous avec leur nouveau maillot maintenant. Ça y est. Bah, c'est une belle promotion en même temps, c'est une belle vitrine sur le football mondial. Bien sûr. Notamment le marché américain, puis tous les autres, tout le reste. Forcément, c'est une belle vitrine pour vendre ces nouveaux maillots, ça c'est sûr. Ouais, c'est clair. Au-delà déjà de l'aspect financier de cette compétition, parce que c'est ça aussi. Enfin, on en parlera peut-être encore plus avec le mercato, justement, là, on va enchaîner là-dessus. Mais c'est pour ça aussi que vous allez voir beaucoup des gros clubs européens quand même pas mal jouer cette compétition, parce que, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je sais qu'à chaque match et chaque tour passé, ça rapporte pas mal. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on va quand même voir beaucoup de gros clubs européens finalement jouer cette compétition, parce qu'il y a vraiment un vrai intérêt financier, un vrai enjeu financier encore dans cette compétition. Alors c'est pas une nouvelle, hein, on sait très bien que sinon elle a été créée déjà beaucoup pour ça. Mais ça va vraiment être une vraie source de rémunération importante pour les clubs, cette compétition. Et puis tu parlais tout à l'heure du mercato, justement, où cette compétition bouleverse un peu tout. Alors c'est pour ça aussi que le mercato, là, il y a une première phase, là, avant Coupe du Monde, bon là ça continue en ce moment, mais pour les clubs qui sont engagés, je pense à City, je pense à tout ça, City qui sont empressés de faire venir Cherki, puis un autre joueur également, j'ai plus son nom en tête, mais en fait, c'est pour ça que la plupart des gros clubs là ont déjà essayé de cadenasser soit ses joueurs principaux, soit de faire venir ses principales recrues avant la Coupe du Monde pour justement avoir un maximum un gros effectif sur cette compétition, et ce qui fait que ça va impacter forcément aussi d'autres plus petits clubs, parce que après cette Coupe du Monde, il y aura peut-être moins de gros transferts de la part des grosses écuries, ce qui fait qu'il y aura peut-être moins d'argent à se faire pour les. Je pense notamment au club de Ligue 1. Le club de Ligue 1, on sait que comme on forme beaucoup et qu'on a de vraies pépites dans le championnat, c'est souvent à chaque mercato d'été que certains clubs se font des bons petits billets quand leurs pépites s'en vont en première ligue, etc. Et là, après cette là où déjà plusieurs clubs ont fait leurs principaux achats, soit Liverpool, que soit City, etc. Il y a forcément moins de gros transferts, ouais, c'est pas le mot que je cherchais, mais de gros transferts après. Alors, j'ai pas qu'il n'y en aura pas, évidemment, il y en aura, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde aussi a un impact sur mercato là-dessus. Donc, il y a peut-être certains aussi clubs français qui ont peut-être dû, à tort, laisser passer le wagon un petit peu, le train, là, avant cette Coupe du Monde, pour faire de bonnes plus-values. Il y aura toujours le temps pour le faire après, mais c'est pas dit que l'argent escompté ou l'argent espéré sera là. Donc, et voilà, c'est aussi l'impact. Alors, je sais pas si j'étais clair, mais l'impact que ça peut avoir sur cette Coupe du Monde, sur le mercato aussi. Alors, justement, ouais, on parlait de City tout à l'heure, ce sera intéressant de voir Cherki qui va démarrer. Ouais. Ça, c'est. Est-ce que toi, c'est un. c'est une bonne destination pour lui. Est-ce que c'est une bonne situation pour lui d'arriver à City si tôt en fait, enfin si tôt. Il a quand même prouvé pas mal de choses, mais c'est vrai que City, voilà, c'est pas le même calibre que Lyon. Moi je pense que c'est un bon choix. Alors, déjà comme club, on l'a vu, hein, de son City doit se réinventer. Hein, on l'a bien vu. Là c'était à plus ou moins la fin d'un cycle. Guardiola reste. Il y a des cadres qui s'en vont, hein, De Bruyne notamment, bien sûr, en fait partie. Il y a de la place à faire. Devant, ça reste très jeune, hein, City. Hein. Bon, là on va le mettre de côté en tant que neuf, mais il y a du Savinho à droite, il y a toujours Foden qui est là. Il y a Doku, on sait pas encore s'il va rester cet été, tout ça, mais il y a de la place. Cherki, on sait, c'est un joueur polyvalent aussi, il peut s'adapter sur pas mal de postes. On sait qu'il peut être intéressant, que ce soit en pur numéro 10, même si évidemment ce poste n'existe plus vraiment dans le football moderne, mais on sait que c'est quand même un très bon numéro 10 ou un joueur derrière attaquant. On sait qu'il est très bon aussi sur les ailes, il peut être très impactant. Moi je pense qu'il a sa place à faire. Après tu me disais est-ce que c'est bien qu'il soit entre guillemets venu si tôt. Moi je pense que oui justement parce que cette Coupe du Monde des clubs va permettre déjà de se mettre dans le bain avec City, de pouvoir apprendre un peu à jouer, à créer des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers. Puis c'est pas sur des matchs parfois un petit peu sans enjeu. Je sais plus c'est qui leurs adversaires dans leur poule, mais hormis la Juve du coup il y aura deux autres matchs qui peuvent être un petit peu de gala où il va pouvoir un petit peu, je l'ai dit, prendre ses marques, faire les premiers automatismes avec les coéquipiers et puis se montrer tout simplement en fait à Guardiola et montrer qu'il peut être dans la balance et qu'il peut pourquoi pas prétendre à une place de titulaire. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose pour Cherki dans une équipe où il peut compter, où il peut être bien servi par Guardiola justement, dans une équipe, comme je l'ai dit, il cherche un petit peu à se réinventer, c'est même pas un petit peu, c'est qu'il cherche à se réinventer après cette saison assez chaotique qu'ils viennent de vivre City. Donc moi je pense que c'est un bon choix pour Cherki, franchement, et encore plus là oui, d'être arrivé si tôt. Et comme j'ai dit, c'est pas un hasard si City justement avait accéléré les choses par rapport à Cherki, c'est parce que voilà, avant cette Coupe du Monde de Club, c'était important pour eux de le recruter entre autres. Donc moi je pense que c'est un bon choix. Après c'est à lui. Aller faire le taf sur le terrain, ça reste un sport, ça reste du foot quand même, quoi qu'on dise. Donc c'est à lui de prendre ses marques, de s'imposer. Mais moi je suis assez confiant et je crois en ses capacités à s'imposer à City, et c'est ce que je lui souhaite. Après, ouais, je sais pas toi non plus ce que t'en penses sur son choix de City. J'aurais pas pensé que un club comme City, mais après oui, c'est bien de voir plus gros, hein, il a raison. Enfin, Lyon, c'était limité de toute façon, hein, parce qu'on l'a bien vu, c'est pas avec la qualification en Ligue Europa qu'il va pouvoir vraiment se montrer. Donc c'était bien d'en jouer dans un club qui joue avec des champions. Après City, pourquoi pas, est-ce que le football anglais va lui convenir, je sais pas, j'attends de voir justement. Alors on va peut-être pas trop s'en rendre compte sur cette Coupe du Monde des clubs, mais j'ai hâte de voir. Généralement, des joueurs assez techniques quand même comme lui, il a du ballon, hein, Cherki quand même. Hein, je pense qu'il peut s'épanouir. Généralement, des joueurs techniques français en plus, généralement, il s'adapte assez bien. Donc je ne fais pas trop de soucis. Je crois en lui en tout cas. J'espère, je pense qu'il peut. Mais effectivement, là, depuis 2019 qu'il était vraiment régulièrement avec l'effectif professionnel, avec 2020 on va dire, il était temps de tourner la page. Il a tout vécu avec lui, mais il a vécu beaucoup de choses. Après, si ça, il a été quand même longtemps en dents de scie, hein, Cherki, même en début de saison, ouais. Franchement, après la partie de saison, c'était pas régulier, c'est une bonne performance quoi. Et ça c'est vraiment aussi sur la seconde partie de saison où il s'est vraiment imposé encore plus quoi. C'est vrai. Je pense que c'était le bon moment là pour partir, pour franchir un nouveau palier, un nouveau step comme on dit. Il va avoir 22 ans là le 17 août. Je pense que c'est ni trop tôt ni trop tard. Donc je pense là franchement c'est la bonne année. Et je pense que c'est potentiellement le bon club. Je l'ai dit encore une fois, City qui cherche à s'inventer, qui va forcément encore jouer le tableau, le titre, hein, et puis même forcément la Ligue des Champions qui vont chercher le plus loin possible. Donc effectivement, je pense que il a toutes les cartes en main en tout cas pour réussir. Quoi. Alors, j'ai peur que, il faut vraiment qu'il réussisse parce que c'est une année cruciale. Hein, il y a le Mondial dans un an. Donc il faut vraiment, il faut pas se louper quoi. C'est vraiment la une saison, faut pas se louper parce que bah il va y avoir des gros enjeux pour lui en juin prochain. Donc maintenant, c'est bien parce qu'il a déjà commencé à marquer des points, je pense, avec Deschamps là sur. Tout à fait. Maintenant qu'il est sur ses premières minutes avec les Bleus. Il est, il peut plus. Enfin, voilà, il est engagé avec l'équipe de France maintenant, donc il. Bah déjà, mais on sait juste déjà aussi à quel point Deschamps. On sait à quel point pour Deschamps c'est important de s'appuyer sur des joueurs qui connaissent l'équipe de France et qui peuvent déjà avoir performé aussi. Alors, il a fait qu'un match et demi, je suis bien d'accord. Mais on sait que Deschamps, des fois, il aime pas trop non plus le gros changement. Il aime pas prendre des joueurs sans grosse expérience. Donc, il a déjà vu Cherki à l'œuvre. Il a vu qu'il s'était intégré au groupe, qu'il a pu être performant aussi sur les entrées qu'il a faites. Donc, c'est déjà une bonne chose aussi. Je pense qu'il a marqué de bons points dans les yeux de Dédé, quoi. Ouais. Donc, après, on va voir à la rentrée en septembre, le rassemblement, s'ils en ont fait partie. Mais il a en tout cas mis un pied déjà dans le. Dans l'engrenage équipe de France, donc ça c'est plutôt bien. On suivra en tout cas bien sûr son début de saison. Son évolution. Tiens, un mot de, on parle pas de joueur, mais d'entraîneur de Gattuso qui va être sélectionneur de l'Italie. Parce que qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle là, toi qui est un petit peu qui aime bien suivre un peu cette équipe d'Italie. Bah oui, en tant que petit-fils d'immigré italien, mais forcément j'ai beaucoup d'affect pour la nationale aussi. Mais j'y crois pas spécialement. Enfin, c'est pour moi un énième mauvais choix de la fédération italienne. Changer pour changer, puis en plus encore une fois prendre un ancien parce que c'est un ancien, parce que c'est un mec de 2006. On sait que dans le staff, c'est pas Ambrosa qui est déjà là, ou enfin il essaie vraiment de remodeler ce groupe 2006 un petit peu dans le staff ou dans la recherche de sélectionneur. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je suis pas sûr que Gattuso ait de très bonnes et de grosses idées footballistiques. Voilà, le peu qu'on l'a vu à Milan, à Marseille, il n'a pas proposé énormément grand chose qui a très bien fonctionné. Après, il y a forcément aussi la vérité du terrain. Il y a un vrai trou, pas générationnel, c'est un peu fort, mais ça manque quand même énormément de talent individuel dans cette équipe, quoi. De toute façon, et malheureusement, ça fait au moins 10 ans que c'est comme ça, et on a l'impression que ça a du mal à remonter la pente côté italien. Maintenant, est-ce qu'il y avait d'autres choix pour la fédération italienne? D'aller chercher quelqu'un d'autre de plus huppé, de plus de peut-être plus avec qui on a plus de certitude que Gattuso, je sais pas. Je sais que je sais plus quel supporter italien en question mais réclamait José Mourinho. Mais on sait qu'en Italie c'est très compliqué, voire impossible de voir un autre sélectionneur d'une autre nationalité, je veux dire. C'est assez mal vu, assez mal perçu de la part des Italiens de voir un sélectionneur d'une autre nationalité s'asseoir sur le banc. Donc le seul truc qui aurait pu se faire, c'est le retour de Mancini sur le banc. Lui qui était parti en Arabie Saoudite et qui l'a dit dans les médias locaux en Italie qu'il regrettait profondément ce départ de la nationale pour l'Arabie Saoudite. Alors, c'est bien de le dire après, mais bon, pour avoir pris le chèque. Mais en tout cas, il espérait peut-être un retour. Je pense que ça aurait été plutôt cohérent parce que le groupe n'a pas tant changé que ça. Et Mancini avait fait quand même beaucoup de bien forcément à l'Italie. C'est quand même avec lui aussi qu'ils ont été champions d'Europe en 2021. Je pense que ça aurait été le plus cohérent et j'aurais préféré un Mancini qui revienne sur le banc. Plutôt que Gattuso. Maintenant, j'ai pas lui jeter la pierre non plus à Gattuso, j'attends de voir, mais je suis pas très emballé par le projet, effectivement. Alors, c'est la mi-temps entre Chelsea et Los Angeles, ça chauffe. Ça se bouscule avec Denis Bouanga, notamment, l'ancien Stéphanois, on s'en rappelle, Neto, le Gabonais. Neto, le buteur, ça se rassemble un peu là, et on voit plus rien là, mais. Ouais, ça se chambre, je pense. Un de méchant. Chelsea qui mène donc 1-0 à la pause. Donc à suivre, cette équipe d'Italie qui est un petit peu en danger, c'est vrai. On n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que pour beaucoup de nations, les qualifications ont commencé. Hein, c'est pas le cas pour les nations qui ont joué la Ligue des Nations, le Final Four, bien sûr. Mais pour les autres, ça a démarré. Et l'Italie qui est un petit peu en danger, c'est vrai, après deux rencontres, qui est seulement 3-0 avec 3 points. Une belle claque contre la Norvège, 3-0. C'est ça. C'est un peu relevé face à la Moldavie, 2-0. Bon, qui a 3 points. La Norvège est à 12 points, mais qui a déjà eu 4 matchs. Donc voilà, on peut pas trop... c'est pas égal pour l'instant. Et Israël est deuxième avec 6 points, donc qui a un match de plus. Donc bon, c'est pas rien n'est fait, mais c'est vrai que c'est pas un début idéal. Après, c'est aussi un peu pour ça que le choix de Gattuso s'est fait un peu dans la précipitation. C'est qu'en fait, là, le truc, c'est qu'en Italie, il fallait absolument un coach, mais l'unique objectif à court terme, là, c'est effectivement de se qualifier pour cette Coupe du Monde, parce que là, ce serait vraiment vécu comme un nouveau drame, mais intersidéral qu'en Italie de pas se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Là, ce serait voilà, un vrai drame en Italie, après déjà 2018 et 2022. Donc, ce serait un énorme drame, quoi. Ouais, donc on suivra. En tout cas, c'est septembre la reprise de ces qualifications. Et pour l'équipe de France, ça démarrera en septembre, puisque c'est un groupe de 4, on rappelle, donc beaucoup moins de matchs. Ukraine, Islande et Azerbaïdjan. Voilà, largement à la portée de cette équipe de France. Et puis les autres aussi démarreront. Certains, je disais, ont démarré, comme la Belgique, comme l'Angleterre aussi, qui est promis de son groupe. Voilà, donc certains ont déjà joué 2, 3, voire 4 matchs pour certains. Voilà, donc reprise en septembre pour ces qualifications. La petit mercato, un petit peu en vrac, hein, tout ce qui se passe pour l'instant. Tottenham qui est pas mal engagé sur ce marché de transfert, puisque il y a eu une recrue déjà pour Tottenham, c'est Mathys Tel qui s'est engagé avec Tottenham jusqu'en 2031. Il était déjà en prêt, hein, avec le club, mais ça y est, c'est officiellement définitivement engagé avec Tottenham jusqu'en 2031. Il était en rappel avec le Bayern Munich. Donc 6 ans pour l'international espoir. C'est beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, 6 ans, c'est rare. Hein. Alors, dans un club comme Tottenham qui est en perdition depuis quelques temps, encore plus cette saison, hein, on l'a vu, ils sont finis 17e, hein, Tottenham. Oui, oui. Avec ce qui prépare au mercato, j'ai du mal à les voir pire, je pense pas non plus, mais j'ai du mal à les voir non plus jouer encore, j'ai du mal à les voir jouer le haut de tableau cette saison. Parce que tu allais peut-être enchaîner là-dessus, mais ils sont actuellement sur Arnaud Calimuendo aussi, un ancien parisien, l'actuel joueur du Stade Rennais. Bonjour Calimuendo, moi je l'avais déjà dit aussi ici, j'aurais été le PSG, j'aurais préféré le garder, moi, Calimuendo sur le banc plutôt qu'un Ramos par exemple. Ça, je l'ai toujours dit. Il a quand même marqué, j'ai regardé tout à l'heure, hein, 18 buts, Calimuendo en 36 matchs, toutes compétitions confondues, c'était un truc comme ça. 34, oui. 34, ouais, donc c'est quand même de bonnes stats, hein. Bien sûr, Calimuendo. Donc après. Quand, mine de rien, quand t'es quand même un club comme Tottenham, je pense qu'il faut essayer de viser mieux que Calimuendo, alors même si je sais que justement encore plus après une saison où tu finis 17ème, tu remportes quand même une Europa League, donc tu vas quand même jouer avec des champions. Oui, c'est ça. Je pense que tu peux essayer de, il faut aller chercher plus haut que ça. Après, pour Calimuendo, ça peut être une bonne opportunité, bien sûr, déjà aussi, de se lancer en première ligue en Angleterre, donc voilà, mais pour Tottenham, effectivement, je trouve pas ça très ambitieux non plus d'aller chercher ce joueur-là, quoi. Mathys Tel, qui est à l'Euro en ce moment et qui avait joué une demi-saison, 40 millions d'euros le montant en transfert avec le bonus compris. Puis pour Calimuendo, rien n'est joué, rien n'est fait, mais les discussions ont démarré. Il est sous contrat jusqu'en 2027, hein, donc c'est un peu plus compliqué aussi de le faire venir rapidement. Moi, j'aurais bien aimé voir Mathys Tel essayer de s'imposer au Bayern. Alors la route était plus ou moins bouchée. Ouais. Maintenant, je pense qu'il aurait pu, parce qu'il a quand même fait les quelques entrées qu'il faisait au Bayern, il était plutôt convaincant, je trouvais. Il y a un peu de place qui s'est fait. Déjà Müller qui forcément va s'en aller. Alors c'est pas forcément le même poste, mais bon, je parle vraiment dans les postes offensifs. Sané, on va peut-être en dire un mois après, mais Sané qui est parti à Galatasaray, donc il y a un peu de place qui se fait. J'aurais bien aimé essayer de le voir s'imposer définitivement au Bayern, mais bon, on va voir ce que ça peut donner avec Tottenham, quoi. Oui, ouais. Enfin, se relever pour Tottenham. Valbuena à 40 ans, qui va faire son retour à l'Olympiakos. Il était à Athènes cette année, et donc il va revenir à l'Olympiakos. ça faisait 2 ans qu'il était parti. Mais pour l'instant, il démarrera, enfin, il jouera avec la réserve, hein, en deuxième division. Bah, en fait, ouais, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il devrait même tout au long de la saison un petit peu, voilà, divaguer entre les deux, quoi, entre la réserve et puis. Ouais. Et puis, puis l'équipe A, quoi, mais sachant que la réserve joue en D2, hein, donc, enfin, voilà, c'est pas. Il n'y a pas non plus une grosse différence de jeu. Après, voilà, l'Olympiakos va jouer la Ligue des Champions quand même, quoi. Donc, oui. On va voir si on va peut-être revoir une dernière fois un peu, petit vélo en LDC. Sachant que oui, ce serait sûrement sa dernière saison, hein, quand même. Elle a 40 ans. Oui. Il va falloir accrocher les crampons quand même un moment. Mais... Et l'idée serait de rester au club et puis encadrer les jeunes notamment. Donc, ça peut être à la bascule qui peut se faire comme ça. Bah, c'est vrai qu'il y a un autre Français qui je sais plus si c'est directeur sportif, je crois, 42, question 42 à Olympiakos. Ah, peut-être, donc, ouais. Ouais. D'accord. Donc, donc ça pourrait faire une petite paire française, là-bas, en Grèce. Ok, bon, bah, on va voir ça. Tiens, on parlait de Chelsea qui serait en discussion pour recruter Malik Fofana, le Lyonnais. Donc c'est parti, hein. Bon, Chelsea qui est engagé là, donc ça sera pas immédiat, mais en tout cas ça discute pour Fofana qui pourrait quitter l'OL, en tout cas qui pourrait perdre du coup 2 gros joueurs quand même, les Lyonnais. Pour l'instant on n'a pas encore Pour Fofana, je suis pas sûr que ce sera un bon choix de Chelsea. Enfin, il y a beaucoup de monde au milieu, alors faut vraiment que Chelsea dégraisse à un moment, mais bah voilà, bon, on voit déjà les titulaires ce soir, hein. C'est au milieu de terrain, on a Romeo Lavia, le Belge, et puis Moïse Caicedo, hein, l'équatorien aussi, qui ont plutôt leur place dans son titulaire. Alors, je dis pas que Fofana n'aurait pas du tout sa place, hein, bien sûr, mais ouais, c'est un peu bouché. Il y a beaucoup trop. Je pense pas que Chelsea en ce moment et depuis quelques temps soit une bonne opportunité, même si depuis cette saison notamment, ils sont quand même bien revenus dans le haut de tableau. Mais il y a une gestion encore de l'effectif qui moi me laisse un peu perplexe, quoi, dans ce club, quoi. Et Nottingham Forest qui serait aussi intéressé pour recruter le joueur de 20 ans. Et bien en contrat jusqu'en 2028, donc là aussi c'est pas si simple. Tiens, on parlait tout à l'heure d'entraîneur, on a un nouvel entraîneur de Nantes, c'est Luis Castro qui a été annoncé aujourd'hui, qui va arriver à Nantes pour 2 saisons plus une en option. Il est à Dunkerque depuis 2 ans, donc il a pas l'expérience du haut niveau, mais en tout cas de Ligue 1 en tout cas, mais voilà, c'est lui qui va prendre la place, c'est vacciné Antoine Camboire. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, pas plus que ça, je le connais pas assez. Ouais. Après, Dunkerque a fait une grosse saison, hein, donc je ne doute pas que c'était un bon coach, mais 4ème de Ligue 2, comme tu l'as dit, il n'a pas d'expérience au très haut niveau dans l'élite. On va voir après, bon, à Nantes, il y a une saison, 3 coachs, on va bien voir ce que ça donne, mais je vous souhaite bonne chance, effectivement, quoi. Il en faudra. Oui. Edin Dzeko, tiens, qui va faire son tour avec la Fiorentina. Ça faisait 2 ans qu'il avait quitté l'Italie, donc il va revenir avec la Fiorentina, Edin Dzeko. Il était en Turquie, hein, final match, et donc il était libre, donc ça s'est fait assez facilement. Il s'engagerait pour 1 an de contrat, avec peut-être une autre option, mais 39 ans, bon, c'est vrai que c'est un joueur d'expérience, mais il c'est plus le Dzeko de l'époque. C'est dingue, ces joueurs qui veulent pas lâcher le steak, hein. Tu vas sûrement y venir après, mais c'est comme Pedro, l'Espagnol, hein, qui a signé avec 1 an avec la Lazio, là, justement, encore. Hein. C'est assez énorme. Donc il a joué à la Roma, à l'Inter, et maintenant il sera avec la Fiorentina. Donc, l'année prochaine, en tout cas, au moins. Pedro, justement, oui, tu le disais, un an de plus, jusqu'en 2026. Lui, il aura 38 ans à la fin juillet, donc c'est un peu pareil. Il arrive depuis 2021, donc il lâche pas aussi. Il y a encore une autre année avec la Lazio. On parlait de Galimmo tout à l'heure à Rennes, un autre Rennais. Lui, c'est sûr qu'il quitte Rennes, c'est Adrien Truffert. Depuis 10 ans au club, il va rejoindre Bournemouth. Ça, c'est officiel, pour 5 ans, pour 5 saisons. Bonne idée pour lui. Ouais, je pense. Alors, je connais pas honnêtement assez le plan de jeu des Cherries, hein, de Bournemouth, mais je pense que oui. Bournemouth a fait une grosse saison. Ils ont fini 9e de PL cette saison. Je sais pas s'ils pourront faire mieux ou tout autant l'année prochaine, mais encore une fois, dans un club comme ça, un peu mid, un peu milieu de tableau, je pense qu'un joueur comme Truffert, pour essayer de faire ses marques dans le plus gros championnat du monde, hein, c'est comme ça qu'on le vend. Je pense que ça peut être pas mal, donc à voir. Je sais pas, ouais, je connais pas assez bien cet effectif aussi pour voir s'il sera vraiment en concurrence avec quelqu'un d'autre également. Mais comme ça, sans papier, ouais, je trouve que ça peut être une bonne opportunité pour lui, forcément, d'aller découvrir ce championnat anglais avec Bournemouth, essayer de se faire un nom outrement. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ça, c'était son club formateur, Rennes, hein, donc il a toujours joué là-bas. Oui, c'est pour ça, ça fait 10 ans, parce qu'il a que 23 ans. Oui, il est jeune. Bon, oui, il est pas en pro depuis 13 ans. Non, il avait démarré là-bas, en tout cas, à Rennes. Donc, 17 millions d'euros, voilà, pour l'ancien Rennais, du coup, maintenant. Enfin, le futur ex-Rennais. Qu'est-ce qu'on en a obtenu? Un autre joueur de Ligue 1 qui va quitter la Ligue 1, c'est Mathias Pereira-Lage qui va quitter Brest. Ça, c'est officiel aussi pour 3 ans avec Saint-Pauli. Voilà, donc il va quitter la Ligue 1 lui aussi pour tenter autre chose. La Bundesliga à 28 ans. Pour cette info-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, encore des petites choses, mais rien d'incroyable comme on le disait. Le Paris FC qui lance son mercato aussi, futur club de Ligue 1, avec Moses Simons peut-être. En tout cas, ça négocie avec Nantes. Nantes qui a refusé une première, enfin 5 millions, mais là ça continue. Donc, ils ont raison. Il va falloir se renforcer de toute façon. Ouais, puis ça peut être une bonne recrue. Hein. Moses Simons, on connaît ses qualités de percussion, de finition aussi. Puis c'est un joueur qui est à Nantes depuis des années, qui connaît bien le championnat de Ligue 1. Donc. Ouais, je pense que ça peut être à moindre coût, entre guillemets, surtout pour un club qui a quand même un beau budget, surtout pour un promu, forcément, avec le rachat. Donc, je pense que ça peut être une bonne petite pioche, j'allais dire, presque à moindre coût. Alors, c'est déjà quand même un bon petit billet, parce que si Nantes refuse déjà 5 millions, il va falloir en mettre un peu plus. Donc, ça pourrait être un bon billet, mais je pense que ça peut être une bonne pioche, effectivement, pour une première saison dans l'élite. Ouais, à suivre, on va voir ça. Tiens, Salisu, là, s'il y a un autre joueur de Ligue 1 qui pourrait quitter aussi la Ligue 1, c'est Salisu, le Monégasque, qui n'est pas forcément très satisfait de sa situation à Monaco. Donc, il penserait à quitter le club pour aller du côté du Galatasaray. Donc, c'est ce qui se dessine, en tout cas, ces dernières heures. Il n'a pas joué beaucoup, hein, deux matchs seulement. Enfin, deux bouts de match en tout cas avec l'ASM, donc ce serait assez logique de le voir partir, même s'il est lié jusqu'en 2028 avec le club de la Principauté. Justement, écoute, ça fait une parfaite transition. Je me permets de prendre le driving de l'émission. Allez, vas-y. Restons à Monaco. Eh oui. Paul Pogba à Monaco, bonne ou mauvaise idée, mon cher Rémi? Pourquoi pas? Il faut qu'il se relance. Maintenant, nous, c'est vrai qu'en milieu de terrain, il va y avoir des départs, donc pourquoi pas? Il faut qu'il retrouve son niveau, par contre, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'on sait pas où il en est, quoi. Ça peut être un flop. C'est ça, et puis il y a un peu la rumeur Ansu Fati qui est arrivée aussi, à Monaco. Monaco, va falloir aussi des certitudes, hein. Faut pas essayer de faire que des paris non plus, quoi. Non. On va essayer de performer, continuer à confirmer la saison prochaine, et puis notamment avec des champions, c'est ça qui est. C'est ça qui me dérange un peu dans le fait d'attirer un peu des noms comme ça, mais au final, c'est des joueurs qui sont en méforme ou qui reviennent de blessures ou que, comme Pogba, après son affaire sur le dopage, a plus joué depuis quoi? C'est fin 2023, je crois. Son dernier match. Et ouais, attention à pas prendre trop de risques non plus sur ces joueurs-là, tu vois. Surtout que Pogba, même des Fati, je pense, ce sera pas des petits salaires, quoi. Donc, Pogba, il va falloir le payer, hein, c'est sûr. Donc pour l'instant c'est un prêt, hein. Ouais, ce sera un prêt bien sûr, avec il y a une certitude aussi à un moment, je pense à Monaco, moi je te l'ai déjà dit aussi, je l'ai dit ici, Monaco ça fait trop d'années je trouve, déjà depuis le départ des gros, depuis 2017, 2018, hein. etc. mais depuis il y a du mal à retrouver cet élan, alors même si Monaco a refait des très belles saisons évidemment, encore cette saison là aussi, hein, notamment en Coupe d'Europe, mais moi, je pense qu'il faut vraiment retrouver une vraie stabilité à Monaco et essayer de ramener un petit peu des vrais, vrais bons joueurs sur qui tu sais que tu peux compter et qui vont t'apporter beaucoup, quoi. Et, alors Pogba, j'ai nul doute que, encore, bien sûr qu'il a encore des pieds magiques, hein, ça, j'en doute pas, qu'il va continuer, s'il arrive, hein, s'il vient, bien sûr, ou n'importe où il ira, mais qui va continuer à nous faire des passes du futur ou ce que tu veux. Après voilà, c'est de la condition physique, c'est voir tout ça, mais évidemment que ça a les chances, hein, de voir Pogba à Monaco en Ligue 1 en tout cas. Oui, ça donne envie, c'est sûr. C'est ça que ça donne très envie, mais ouais, à voir ce que ça peut donner, mais juste attention à Monaco, oui, de ne pas trop et tout donner, tout miser sur des paris comme Pogba ou comme Fati, quoi. Ouais, parce qu'il y a une grosse saison qui arrive, il y a avec des champions bien sûr, c'est ça. Donc il faut pas se louper, hein. C'est sûr. Donc bon, on verra. En tout cas, il va y avoir des départs, c'est sûr. Mais voilà, pourquoi pas. À suivre. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on en parlait ensemble tout à l'heure dans la fin de journée. Le Roi Sané à Galatasaray aussi, tiens. Pourquoi? Pourquoi? Bah, pourquoi il est arrivé en fin de contrat, je crois, avec le Bayern? Ouais, c'est ça. Je suis même sûr, en fait, parce qu'il est arrivé libre. Après, j'ai cru m'informer, j'ai cru comprendre que Galatasaray a plutôt aligné un bon chèque aussi, enfin, un bon contrat pour Sané. Après, j'ai pas plus de sources que ça, mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de... Alors, il a déjà 29 ans quand même, Sané, hein, mine de rien. C'est vrai que... On pourrait croire qu'il est encore jeune, mais il a déjà 29 ans, donc je trouve que c'est un joueur qui, je l'ai encore dit tout au long de la saison, et ici, les fidèles auditeurs peuvent, je pense, en témoigner, mais combien de fois je l'ai dit que c'était un joueur, bien sûr, qui était en dents de scie aussi, qui n'enchaînait jamais deux matchs à très haut niveau, et qui pouvait avoir de l'or dans les pieds quand même, hein. On le voit, les matchs où il a performé cette saison avec le Bayern, ce joueur, il peut être injouable, mais effectivement, il est trop instable, trop... Il n'arrive pas à enchaîner deux gros matchs d'affilée, c'est dommage, hein, ces joueurs-là. Voilà, après, s'il peut faire son trou en Turquie, essayer de remporter un peu de trophées là-bas, ou essayer d'un peu forcément de faire quelques beaux parcours en Coupe d'Europe aussi, mais c'est sûr que ce sera pas là-bas qu'il va non plus tout défoncer, quoi, je pense. Non. Enfin, je veux dire, c'est pas là-bas qu'il deviendra une superstar ou un genre de classe mondiale encore plus que ce qu'il a aujourd'hui. Donc c'est un peu surprenant, mais en même temps, Galatasaray, au niveau attaquant, je pense qu'ils ont ce qu'il faut, là. Ah bah oui, là, c'est clair. 3 ans, ouais, le contrat. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore une info, tiens, l'Olympique de Marseille, cette fois, c'est le défenseur anglais CJ Egan Riley qui rejoint l'OM. Il était avec Burnley, et donc il va trouver la Ligue 1 avec, ça s'est fait samedi, avec l'Olympique de Marseille. Il a 22 ans, voilà. Donc il rejoindra Marseille après l'Euro Espoir auquel il participe, hein, avec l'Angleterre. Bon, on le connaît pas trop, ouais. Hein, c'est un jeune joueur. Bah non, c'est pour ça que j'ai essayé de m'informer un peu dessus, forcément, hein, pour voir un petit peu. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de hype, hein, côté supporter marseillais. Je prends ça avec beaucoup de recul aussi, donc je vais pas le voir. C'est quand même un joueur, alors oui, effectivement, qui a fait une grosse saison et pas joué, je crois, l'entièreté des matchs, ou quasiment en tout cas en championship cette saison, et dans le nez. Ah oui, c'est la deuxième division anglaise, effectivement. Après, on sait que la Championship est quand même relevée. Hein. Oui. Je pense que quelques clubs de Championship peuvent largement rivaliser avec des clubs de Ligue 1, si ce n'est les battre. J'attends de voir. Après, effectivement, il a qu'un match de Première Ligue en tout dans sa carrière. Puis je crois que c'est que quelques minutes, d'ailleurs. J'attends de voir. Je sais que oui, ça peut être... le type de profil, le type de défenseur central qui peut plaire à De Zerbi, qui c'est un bon relanceur aussi, c'est bien relancer les ballons notamment, donc de derrière, c'est un bon défenseur, donc à voir ce que ça peut donner. Je reste bien sûr, encore une fois, j'attends de voir, je pense avec des pincettes, mais il a une bonne cote marchande, il a une bonne réputation, donc on va voir ça, j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, Marseille avait un besoin crucial de se renforcer en défense centrale, notamment en nombre, hein. On l'a vu à la fin de saison avec les blessés, les suspendus, tout ça, et quand à la fin des deux trois derniers matchs, il n'y avait plus que Cornelius qui était notre seul défenseur central disponible, c'était assez affligeant, quoi. Donc effectivement, il y a du besoin à ce poste là, quoi. Oui, clairement. Et puis il y en aura d'autres, hein. Il y a d'autres joueurs bien sûr qui sont en vue, hein, pour Marseille. Angel Gomez, un milieu de terrain qui devrait arriver, alors c'est pas encore officiel, mais c'est quasiment fait, le milieu de terrain anglais du LOSC, Angel Gomez, qui va arriver également. Ça, c'est, je pense que c'est une très bonne recrue pour l'OM aussi. On va voir ça. En tout cas, voilà à peu près ce qui se passe, hein, pour l'instant. Alors, il tient pour entre c'est un petit peu plus vieux, mais un accord entre Liverpool et Leverkusen pour Wirtz, 136 millions d'euros à la clé. Normalement, ça devrait se faire. Ouais, 136 millions, c'est ça. Ouais. Bah, Wirtz trouvait tout au Bayern, c'était quasiment fait. Ouais. Et puis, il jouera bien en rouge, mais avec les Reds, effectivement. Mais ouais. C'est quasiment fait. Ouais. En tout cas, l'accord est fait. Voilà un petit peu ce qu'on a eu cette semaine, ce week-end. On va rester là-dessus. On vous laisse avec la fin du match Chelsea. Si, c'est reparti, hein, bien sûr. Et je crois que il est rentré, notre ami. Giroud. Pardon. Voilà, on se quitte avant qu'il y ait d'autres infos, mais c'est à peu près tout ce qu'on a pu voir hein, sur ce week-end. Ouais, on a à peu près fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, j'avais noté des petits trucs, mais je trouve globalement on les a dit. Il y avait quelques jours aussi, hein, mais il y avait Rati qui a changé de club aussi. Il est parti, je crois qu'il est parti en Arabie Saoudite du coup. Allez, okay. Je vais vérifier ça. Que je me trompe pas. Ou si il est resté au Qatar, je sais plus. Mais en tout cas, c'était une belle intervention de ma part, en tout cas. Merci, c'était intéressant. Écoute, je laisse retrouver ça. Je commence l'agenda donc de la semaine. Dimanche, Grand Prix d'Italie en MotoGP. Voilà, donc c'est reparti. Formule 1, il y aura une pause après ce Grand Prix d'hier et c'est 24 heures du Mans, une petite pause. Que vous dire d'autre? On aura une étape du meeting de Charletti en athlétisme, ce sera vendredi, Stade Charletti. Voilà, on a la suite et la fin peut-être des playoffs NBA. Donc on rappelle cette nuit, c'est le match 5 qui aura lieu entre Oklahoma City et Indiana de partout. Le cinquième match, ce sera cette nuit, et le sixième et peut-être dernier, ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi, et peut-être qu'il y en aura un septième peut-être en fin de week-end ou en début de semaine prochaine à suivre. Aussi la suite de la finale en Betclic Elite en France entre Paris et Monaco, on est à 1-0 pour Paris. Encore deux matchs minimum demain soir et vendredi soir, et peut-être encore un supplémentaire si besoin. En tout cas, on rappelle, enfin même plus, parce que c'est la première équipe à 3 victoires, donc on pourrait encore voir un peu plus de matchs. Voilà pour le basket. On arrive dans les fins de saison. En rugby aussi, c'est la fin avec les demi-finales vendredi et samedi de Top 14. On le rappelle, ces deux rencontres vendredi soir, ce sera Toulouse, le leader de la saison régulière, qui affrontera Bayonne, et puis son dauphin, le Bordeaux Bègles, affrontera Toulon samedi soir. Voilà pour ces demi-finales de play-off. En tennis, je le disais, c'est la saison de gazon qui démarre. Deux tournois principaux cette semaine, le Queens et aux États-Unis, et Halle en Allemagne pour les deux tournois principaux à suivre avant Wimbledon à la fin du mois, bien sûr. Et c'est à peu près tout ce qu'on aura cette semaine du foot. Bah, la suite de la Coupe du Monde des clubs, bien sûr. Paris jouera jeudi soir, c'est ça, je sais plus. Dans la nuit de jeudi vendredi, ouais, à 3h du matin. Donc vendredi à 3h du voilà, matin. Exactement. Tout le reste du temps, bah, il y a d'autres matchs, bien sûr. La suite de l'Euro Espoir, là aussi où la France peut se qualifier pour la suite de cet Euro Espoir, il faut pour ça gagner et espérer un faux pas du Portugal pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc les deux rencontres simultanées, c'est demain soir à 18h sur W9 pour l'équipe de France. Voilà, et pour le foot, la suite du mercato, bah bien sûr toute la semaine il va se passer des choses, on reparlera, on fera un point la semaine prochaine. Et puis, donc Berati, donc il va quitter Al Arabi au Qatar, qui va rester au Qatar et qui devrait signer à Al Dwail, donc c'est ils ont fini deuxième cette saison. Et c'est le club notamment où il y a Benjamin Bourigeaud et Hakim Ziyech hein, notamment, donc il devrait les rejoindre d'ici peu. Et puis juste on le rappelle, hein, ça s'est fait dernièrement, mais Kevin De Bruyne qui a signé à Naples du coup. Oui. Et puis je me souviens aussi, on a pu en dire un mot vite fait, mais Ancelotti qui a plutôt bien débuté sur le banc de la Seleção avec le Brésil. Une victoire à nul, je crois, c'est ça ? Oui, et qui s'est qualifié pour le mondial. Ouais. Ouais, voilà. C'est fait. Et puis cette semaine, enfin depuis ce week-end et toute la semaine, il y a les mondiaux de judo aussi où l'équipe de France est engagée, bien sûr, avec trois médailles. Pour l'instant, la plus importante, c'est hier. Joanne Benjamin Gaba qui a remporté la médaille d'or en moins de 113 kilos. C'est la première médaille mondiale dans cette catégorie-là pour l'équipe de France à 24 ans. Je rappelle qu'il avait participé il faisait partie du relais vainqueur du titre olympique avec le côté de Teddy Riner notamment, qui avait permis aux Bleus de se relancer. Et donc il remporte, il continue dans sa lancée, remporte ce titre mondial. Il avait aussi remporté médaille d'or au championnat d'Europe, donc il est bien lancé. D'autres médailles, c'est la troisième puisqu'il y a aussi une médaille d'argent en moins de 60 kilos pour Romain Valadier, et puis la médaille de bronze de Sarah Léonie Sizik, qu'on avait aussi au JO l'an passé, moins de 57 kilos. Demain on n'aura pas de médaille aujourd'hui, il n'y a pas eu de journée blanche. En revanche, demain, des chances de médaille puisqu'on aura chez les dames aujourd'hui, demain, Margot Pinault qui est en train de conserver son titre en moins de 70, et puis deux Français engagés, Alexis Mathieu et Maxime Gaël Ngaïap, qu'on avait aussi vu aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà pour ce qui vous attend donc sur cette semaine de sport. On se quitte avec un dernier titre qui va démarrer maintenant. Le titre s'appelle I Can Change. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Hugo, merci. À lundi. Merci Rémi. À lundi. Bonne semaine à toutes et à tous. Et il va faire chaud. Hein, donc courage pour ceux qui travaillent dehors. Ciao, ciao. Bonne nuit. Ciao.